Pharaon, le Pharaon va bientôt nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il a dit? Kella. Oh que non. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Il y a Allah avec moi. Dieu avec moi. Hein? Il va me guider. Pourquoi il a dit qu'il y a Allah avec moi? Allah est avec tout le monde. Mais il a dit avec moi, ça veut dire d'une assistance spéciale. Une assistance spéciale. Naam. Ça, c'est juste une révision. Maintenant, inshallah ta'ala, on va commencer le nouveau. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit dans un verset, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khayru lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alayhim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun. Ensuite il a dit, c'est ça le témoignage du dars, il a dit inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. طيب, maintenant d'abord je vais dire à peu près comment, qu'est-ce que ça donne en français, qu'est-ce que ça donne en français, une traduction comme on dit rapprochée bizna azawajal. Naam. Qu'est-ce qui est dit ici dans ce verset? Allah Ta'ala dit wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, c'est-à-dire et si vous punissez, naam, l'agresseur, punition égale au tort qu'il vous a fait. Naam. Quelqu'un qui nous inflige, qu'est-ce qu'on lui donne? Une punition égale au tort. Naam. Ni plus, naam, et moins si on veut. On peut lui donner moins. Il nous a donné deux claques, on lui donne seulement une. Naam. Mais plus, non. C'est interdit. Ensuite, il a dit, وَلَا إِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِصَابِرِينَ. Et si vous endurez, patientez, cela est certes mieux pour les endurants. Ensuite, il a donné un ordre. Il a dit wasber. Naam, wasber. Maintenant, il montre que il a dit que de préférence, il fallait patienter. Maintenant, il conseille. Il dit asber, isber. Patiente. Wasber. Wa ma sabruka illa billah. Wasber. Wa ma sabruka illa billah. Naam. Ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ensuite, il a dit inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Et ne sois pas comment qu'il a dit inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui endurent, pardon, avec ceux qui s'adonnent à la piété, wal ladhina hum muttaqun hum muhsinun. Et il est avec les bienfaisants. Naam. Et il est avec les bienfaisants. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que Allah Ta'ala a dit ici qu'il était avec les gens qui avaient une certaine qualité, une certaine description. C'est quoi? Il a dit ma'alladina attaqaw, avec les pieux. Naam. Walladina hum muhsinun, et avec les bienfaisants. C'est pour ça qu'on a dit, on avait dit quoi? Que l'omniprésence particulière elle-même se divise en deux parties. La première partie qui a rapport avec quoi? Avec des personnes. Rappelez-vous bien ça. Qui a rapport avec des personnes. Comme la caverne, Abu Bakr et le prophète alayhi sallam. Comme Moussa et son frère. Naam. Et la deuxième sorte, c'est celle qui a rapport pas avec les personnes, mais avec des qualités. Avec des qualités. Si telle ou telle personne a cette qualité, Allah Ta'ala est avec elle. Ici, c'est quoi par exemple la qualité? Ici, la piété. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun, et les bienfaisants. Sans que ça soit Abu Bakr, sans que ça soit Omar, sans que ça soit Ali. Ça peut être Muhammad, Farid, Abdel Qadir, ça n'a pas d'importance. L'essentiel ici, c'est quoi? C'est que il, masha'Allah, il a la qualité. C'est quoi ici par exemple? C'est la bienfaisance et aussi la piété. Donc, si quelqu'un veut que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec lui, d'une omniprésence particulière pour le secourir, le seconder, l'appuyer et le soutenir, alors qu'il essaye d'être pieux et qu'il essaye, bi'idna azza wa jal, d'être bienfaisant. Et ça, c'est une grande ni'ma, c'est une grande rahma. que quoi? Que l'omniprésence particulière ne se, yani, ne se, disons, suffit pas, ou bien n'est pas seulement sur les messagers. Non, ce n'est pas seulement sur le prophète Islam, ni Moussa et Harun, mais sur tous les pieux et tous les bienfaisants. Non. Ensuite, Naam, le Cheikh Lahmo a dit ici, qu'est-ce qu'on prend comme intérêt et comme fruit de cela? On prend comme fruit et comme intérêt, quoi? Que on doit s'évertuer, Naam, on doit faire des efforts pour qu'on soit bienveillant et pour qu'on soit pieux. Il a dit, car فَإِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ مَعَهُ. نعم مسلم situé là, écrit numéro 1. لِأَنَّ car toute personne voudrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec elle. نعم toute personne voudrait qu'Allah ta'ala soit avec elle. Et surtout, tout croyant. نعم tout musulman, tout croyant voudrait qu'Allah ta'ala soit avec lui. Avec lui. De quelle omniprésence? Particulière ou la générale? Particulière. Quant à la générale, Allah Ta'ala est avec tout le monde. Il est au-dessus du trône et avec tout le monde de par sa science et sa vue et son oui. Mais nous, on parle, on voudrait qu'il soit avec nous, avec moi, d'une façon particulière, en m'aidant, en me secondant, en m'appuyant et en m'assistant. Pour cela, il faudrait essayer d'être pieux et d'être quelqu'un de bienfaisant bi'idhnah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, sixième verset qui parle aussi de l'omniprésence, car on est en train de parler du chapitre omniprésence. Sixième verset, wasbiru inna allaha ma'a sabirin, endurez car Allah est avec les endurants. وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Endurez, car Allah subhanahu wa ta'ala est avec qui? Est avec les endurants. نعم. سَبَقَ لَا الصَّبْرَ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَحَبْسُهَا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَحَبْسُهَا عَنْ التَّسَخُّطِ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ سَوَاءٌ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ أَوْ بِالْجَوَارِحِ. Le Cheikh Allah yarhamhu dit que on a déjà parlé et montré que la patience, c'est quoi la patience? C'est le fait d'emprisonner. La patience, c'est l'endurance. C'est le fait, disons, d'emprisonner nefs, notre âme. On l'emprisonne pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle fasse l'obéissance à Allah Ta'ala, pour qu'elle obéisse. Et on l'emprisonne pour que elle ne fasse pas le haram et l'illicite. Et on l'emprisonne pourquoi? Pour qu'elle accepte le destin et la prédestination. Naam, tout ce qui a été écrit, naam, elle doit l'accepter bi'idna azza wa jal. Sawa'un bil lisan ou bil qalb ou bil jawarih. Que ça soit tout cela, tout ce dont je viens de parler, yani faire les obligations, s'éloigner des péchés et accepter le destin, que ça soit avec la langue ou bien le cœur ou bien le jawarih, les mains, les pieds, la bouche, les instruments, comme ça. Naam. Tayyib. Maintenant, il a montré dans ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala était avec les endurants. Muslim, inshallah ta'ala, tu réponds à la place des autres. Le fait d'être avec les endurants et les patients, est-ce qu'il est avec eux avec une omniprésence générale ou particulière? Tu écris seulement P ou G. Particulière. Naam. Particulière. Deuxième question, musulman. Est-ce que cette omniprésence particulière a rapport avec des personnes ou bien des qualités? Est-ce qu'elle a rapport avec des personnes ou bien des descriptions et des qualités? Est-ce que par exemple il a cité ici des noms? Il a dit Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, ou bien il a dit parce qu'ils ont telle et telle qualité. des qualités. Ils ont ici quoi? L'endurance et la patience. Toute personne qui patiente, en se mettant dans le cœur que Allah Ta'ala est avec elle, avec cette personne, et qu'il va l'aider et la faire sortir de ses problèmes, et elle va faire des doigts, si elle a eu un malheur, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati, et aussi Allahumma ajirni fi musibati, wa khluf li khairin minha, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera une issue, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui a promis cela. Maintenant, je voudrais vous dire que la patience dans la charia se divise en trois sortes. On doit d'abord patienter pour faire les obligations. On doit patienter pour ne pas faire le haram. Et on doit patienter pour accepter ce que Allah Ta'ala a écrit dans le tableau préservé, sur la table préservée, et les choses qui nous arrivent, et les choses qui nous arrivent de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la patience se divise en trois sortes: accepter pour faire les choses qu'on est obligé de faire, pardon, patienter pour faire les choses qu'on est obligé de faire, patienter pour s'éloigner des choses qui sont illicites, et patienter pour accepter le destin, pour accepter le destin. Premièrement, on va commencer, inshallah ta'ala, par parler de, yani du premièrement, c'est-à-dire patienter pour faire les obéissances. Et les obéissances se divisent en, ou bien elles sont obligatoires, ou bien elles sont surérogatoires. Naam. Obéir, on peut obéir en faisant du ramadan, comme on obéit en faisant quoi? En faisant, par exemple, le siyam du jeudi et du lundi. Car dans les deux, on a fait quoi? On a fait une obéissance à Allah Ta'ala, une chose qu'il aime. Et avec la différence que le ramadan est obligatoire si on ne le fait pas. On a des péchés, et le lundi et jeudi ne sont pas obligatoires. Si on ne les fait pas, on n'a pas de péché. Naam. Et ils se rejoignent dans le fait que les deux, si tu les fais, fi sabilillah, avec la bonne intention, tu as bi'idhnillah azza wa jal des récompenses. Tayyib. Donc, premièrement, patienter pour faire l'obéissance. Patienter pour faire quoi? Pour faire l'obéissance, pour faire la chose que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. Ici, on va parler, par exemple, en insistant sur l'obéissance qui est obligée, que Allah Ta'ala nous a demandé de faire, yani, d'une façon obligatoire. Vous savez que le croyant, pour qu'il fasse ce que Allah Ta'ala lui a ordonné de faire, il a besoin d'endurance et de patience. Le croyant, pour qu'il fasse ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire, il faut quoi? Il a besoin de patience et d'endurance. Pourquoi? Car ce n'est pas facile. Tu as d'un côté le shaitan, le shaitan qui est là et qui essaye de faire son possible pour que tu ne fasses pas les choses qui ravissent Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, on a notre nefs, qui, yani, on ne l'a pas encore bien dressé. Et ensuite, tu as les gens. Et ensuite, tu as les fitnas. Ensuite, tu as des entraves, tu as des problèmes. Donc, même pour faire la chose qui est obligatoire, il faut de l'endurance. Et il faut quoi? Il faut de la patience. Et il faut le djihad. Regardez combien de personnes, combien d'hommes se disent: je vais mettre la barbe, je vais laisser pousser la barbe. Et il y a des gens qui, depuis des années, disent cette chose et ne l'ont pas encore faite. Il y a des hommes qui, depuis des années, disent cette chose et ne l'ont pas encore faite. Ça a besoin d'un grand djihad. Et il y a des femmes qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore mis le djilbab. Et à chaque fois, elles disent: cette année, je vais le mettre. Ce ramadan, je vais le mettre. Dès que je vais aller au hajj, je vais le mettre. Dès que je reviens du Hajj, je vais le mettre. Dès que je vais me marier, je vais le mettre. Et comme ça. Donc, les faire, les obéissances, ça a besoin d'une endurance et d'une force, mashallah, et d'un jihad. Et d'un jihad. Naam. Et ce qu'on doit savoir aussi, dans ce petit 1, si je puis dire, dans ce petit 1, que il n'y a pas une obéissance que tu fasses si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Naam. Chaque chose que tu fais et qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala, attention que tu crois que toi tu l'as faite sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu commences à t'enfler d'orgueil, à dire aux gens, moi je fais ceci, je fais cela, je fais la prière la nuit, je jeûne lundi, jeudi, etc. Naam. Et tu as oublié que Allah ta'ala a dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. C'est-à-dire, et tout ce que vous avez comme ni'ma, ça provient d'Allah Ta'ala. Naam. Personne ne peut faire une obéissance si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aide pas pour qu'il la fasse et ne lui ouvre pas la porte, naam, pour qu'il puisse y rentrer. Naam. C'est pour ça que il faudrait que tu saches ici aussi une chose très importante, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas obligé qu'il t'aide. Naam. Ce n'est pas obligé pour lui qu'il t'aide. Lui, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il t'a demandé, c'est tout, de lui obéir. Mais il n'est pas obligé qu'il t'aide pour qu'il, par exemple, il te facilite la chose. Naam. S'il t'a demandé de lui obéir, c'est que tu peux lui obéir si tu veux. Naam. Car il ne te demande pas une chose que tu ne peux pas faire. Mais il n'est pas obligé, par exemple, de t'aider en te facilitant, par exemple, cette obéissance, en te rendant, par exemple, en rendant cette obéissance, par exemple, dans ton cœur, yani, c'est comme si yani, y a de la douceur dans ton cœur. Il n'est pas obligé de te donner le khushu' dans la salat. Il n'est pas obligé de te la faciliter. Il n'est pas obligé. Lui seulement, il nous a ordonné qu'on l'adore, et en contrepartie, il ne nous fera pas rentrer en enfer et il nous donnera le paradis, c'est tout. Mais il n'est pas obligé qu'il t'aide. Il faudrait bien comprendre cette chose. Donc, si tu vois que Allah Ta'ala t'aide et te facilite les choses, ça c'est une deuxième ni'ma, une deuxième grande ni'ma, que Allah Subhanahu wa Ta'ala t'aide, par exemple, en enchaînant nos shayatins. Naam, les shayatins, chacun son propre shaytan. Allah Ta'ala, par exemple, l'enchaîne. Et lorsqu'il l'enchaîne, tu vas faire, mashallah, combien d'obéissances que tu ne pouvais pas faire auparavant. Subhanallah al-Azim. Naam. Il, par exemple, te fait oublier un peu la dunya. Une autre façon d'aider. Voilà. Il t'aide en te faisant détester, en faisant détester cette dunya à tes yeux, par exemple. Il t'aide en t'ouvrant, par exemple, la porte de la lecture du Coran. Il t'aide en t'ouvrant la porte de yani, le fait d'assister les doros. Il t'aide en t'ouvrant la porte, par exemple, de comprendre vite. Naam. Des fois, tu entends une heure, tu comprends que 5%. Et des fois, mashallah, yani, tu sens que vraiment ton cœur est présent avec toi. Tu entends la chose, elle se grave dans le cœur. Toutes ces choses, ce sont des aides que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas obligé pour qu'il t'aide. Il n'est pas obligé. Naam. Mais il t'a demandé que tu fasses cette chose. Il sait que tu peux faire la prière. Il sait que tu peux aller au hajj. Il sait ceci, cela. Il t'a demandé de faire ces choses. Et il t'a dit, je te fais rentrer au paradis. Mais il n'est pas obligé d'aider. Maintenant, s'il aide, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'Allah de particulier, qu'il donne à qui il veut. Qu'il donne à qui il veut. Et personne n'a le droit de lui poser la question. Pourquoi cette aide, tu la donnes à X et tu ne la donnes pas à Y. Naam. Pour que vous compreniez, je vais vous donner un exemple, inshallah ta'ala, qui est facile, bi'idhn azzawajal, pour celui auquel Allah Ta'ala a facilité la compréhension. Naam. Imaginez que j'ai deux pièces dans ma maison, deux pièces qui se ressemblent à 100%. La même largeur, la même grandeur, la même hauteur, 3 mètres sur 4 mètres. Naam. Deux pièces là, yani, se ressemblent à 100%. Je dis à un peintre, est-ce que tu acceptes de me peindre celle-là? Je lui montre une pièce. Avec, par exemple, je donne un exemple, 10 ans, c'est combien? 10 ans, par exemple, 100 euros. Est-ce que tu acceptes de me peindre cette pièce avec 100 euros? Il accepte, il me dit non. Et le matin, il va venir, va prendre le bus, non, et il va commencer à peindre quand c'est le moment de manger. Il va acheter un sandwich, il le mange, et comme ça, jusqu'au soir, quand il termine cette maison, je lui donne combien? 100 euros. Ensuite, suivez bien, je vais ramener un deuxième peintre, alors que celui-là n'a pas encore terminé. Il est avec la pièce. Je ramène un deuxième peintre pour l'autre pièce, qui est la même que la première. Et je lui dis, est-ce que tu acceptes de me peindre cette pièce avec 200 euros? C'est pas 100, 200. Et tu ne viens pas par le bus. Tu t'envoies le chauffeur qui te ramène. Et à midi, tu n'achètes pas un sandwich. Tout est préparé pour toi. Ma femme a préparé le manger. Chaque jour, tu manges avec moi. Ah, vous voyez maintenant la différence? Est-ce que le premier peintre a le droit de réclamer? Il va me dire, pardon, pourquoi celui-là vous lui donnez 200 et moi seulement 100, alors que c'est la même chambre? Et pourquoi celui-là, vous lui envoyez le chauffeur pour le ramener et moi je viens par bus? Et pourquoi celui-là, vous lui donnez à manger et moi vous ne me donnez pas? Est-ce qu'il a le droit de dire cela? Peut-être qu'il va dire ça, s'il est djahil, il va dire. Que je lui dis ça, que je lui réponds. Je lui réponds, ça, c'est mes affaires. Ceci, ce sont mes affaires. Est-ce que toi, je t'ai lésé, je t'ai fait du tort? Je t'ai dit, est-ce que tu peins avec 100 euros? Tu as accepté. Maintenant, si je vais venir de notre personne avec 200 euros, 300 euros, je suis libre. Je lui donne tout mon argent. Je lui donne la maison. Non, je lui écris la maison à ce peintre. Subhanallah al-Azim. Fadli, je le donne à qui je veux. Allah Ta'ala, c'est la même chose. Non. Il t'a dit, il nous a dit tous, si vous m'adorez, vous ne faites pas le shirk, etc., je vous ferai rentrer au paradis. Mais il n'est pas obligé de nous aider. Alors s'il t'aide, oh, alors remercie-le encore une fois. Et remercie-le beaucoup de fois. Non. Ça, c'est petit A dans le petit 1. Petit B, il faut que tu saches que la grande ni'ma qu'Allah Ta'ala puisse donner à une personne, c'est quoi? C'est l'islam. C'est la foi, c'est l'iman. L'islam. Naam. Si Allah Ta'ala te donnait tout ce qu'il y a dans cette dunya et ne te donne pas l'islam et la foi, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert de vivre 70 ans comme un roi et de mourir pour rentrer en enfer éternellement? À quoi ça me sert? 70 ans, 80 ans, ça paraîtra comme un jour. Mais quand est-ce qu'il sentira cette chose? Il la sentira quand il verra l'ange de la mort venir. Si jamais on pouvait lui demander, ça fait combien que tu as vie? Par exemple, il dit 80 ans. On lui a dit alors, ça a été long. Il va dire, Wallah, c'était une semaine ou moins. C'est pour ça dans le Coran, plusieurs fois Allah Ta'ala l'a cité dans le Coran qu'ils disent qu'on a vécu 15 jours, un seul jour. Naam. Et Allah Ta'ala a dit Ashiyatan ou Duhaha, comme si c'était une soirée ou une matinée. Toute la vie qu'on a vécue. Donc, la plus grande ni'ma qu'Allah Ta'ala puisse donner à une personne, c'est quoi? C'est l'iman et c'est la foi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est dans le hadith du Bukhari, qu'est-ce qu'il disait? Wallahi, laoula Allah mahtadayna, wa la tasaddaqna, wa la sallayna. J'ai oublié de vous dire que ce que je suis en train de vous dire ne se trouve pas dans le livre. Non, ça a un rapport avec une khutbah que j'ai faite une fois, une Jumu'ah, un prêche de vendredi que j'ai fait une fois. Al-Muhim, la plus grande ni'ma, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la foi, l'iman. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Il jurait, il disait Wallahi, lawlallah mahtadeena. Je jure par Allah que si c'était pas lui, on n'aurait pas été guidé. Voilà, Wallahi lawlallah mahtadeena. Wala tasaddaqna wala sallina. Je jure par Allah, si c'était pas lui, on n'aurait pas été guidé. Et on n'aurait fait ni la prière, ni on aurait fait la zakat, ni on aurait fait l'aumône. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naam ya Rasulullah. Tu es véridé quand tu as dit cela. Si c'était pas Allah, personne de nous, Wallahi, n'aurait été guidé. Et personne de nous, Wallahi, ne peut faire la prière, ni ne peut faire la zakat, ni ne peut faire le jeûne. Personne au monde. Alors, Allah Ta'ala nous a choisi parmi des millions de gens et des milliards et a fait de nous un croyant, masha'Allah. Est-ce que Allah Ta'ala était obligé qu'il fasse cette chose? Ce n'est pas obligé. Pourquoi spécialement moi et pas mon voisin? Pourquoi moi et pas celui qui est en face là-bas? Pourquoi moi il m'a choisi? Subhanallah l'azim. Ça, c'est une grande, grande ni'ma. Grande, grande, grande ni'ma. Et, en ce sens, n'oublie pas que cette grande ni'ma que Allah Ta'ala t'a donnée, n'oublie pas une chose très importante, c'est quoi? C'est qu'il peut te l'enlever d'une minute à l'autre. Attention, tu vas t'enfler d'orgueil et tu vas dire moi, je fais, je suis salafi, je suis ceci, je suis cela. Attention, d'une minute à l'autre, Allah Ta'ala peut te prendre cette grande ni'ma, te renverser ton cœur et te trouver, a'oudhou billah, dans l'autre, de l'autre côté. Pas du côté où il y a Allah et son prophète, de l'autre côté. Naam. Allah Ta'ala d'ailleurs n'a-t-il pas dit dans le Coran, on nous qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. On nous qallibu ou bien absarahum wa afidatahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. Subhanallah al-azim. Il a dit, on renverse leur cœur et leurs yeux comme s'ils n'avaient jamais cru en cela. Naam. C'est pour ça que j'ai dit, il faut beaucoup faire de doua pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prenne pas cette ni'ma qu'il nous a donnée. Naam. Cette ni'ma qu'il nous a donnée, car lui il a dit dans le Coran, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. C'est lui qui a dit que tu renverses leur cœur et leurs yeux comme s'ils n'avaient jamais cru en cette chose. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui sont masha'Allah, masha'Allah, et du jour au lendemain ils se renversent, tu le trouves de l'autre côté. Tu disais subhanallah, celui-là était hier avec le Qamis là-bas, était avec nous, ce qui s'est passé, celle-là hier elle était avec le Jilbab et Niqab et masha'Allah, elle a tout jeté, elle est partie de l'autre côté. Subhanallah l'azim. Allah Ta'ala peut à chaque minute t'enlever cette chose, car il veut de toi que tu le remercies beaucoup et il veut de toi que tu lui demandes beaucoup qu'il te préserve cette ni'ma qu'il t'a donnée. Il veut que tu fasses les doigts et que tu dises beaucoup, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la wa muqallib al-quloub, la wa musarrif al-quloub. Naam. Allah Ta'ala dit ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. Car si c'était pas l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne serait devenu croyant. نعم. Et d'ailleurs c'est inscrit dans le Coran lorsque Allah Ta'ala a dit الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَى اللَّهُ. C'est, yani, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit guidé dans cette guidée. Ensuite on dit, et on n'aurait jamais été guidé si Allah ta'ala ne nous a pas guidé. Et ensuite, il faut que vous sachiez, ça c'est petit c, ABC, petit c dans petit 1. Donc, il faut que vous sachiez que les guidés ça se termine pas. Il y a guidé sur guidé, guidé sur guidé. Quelqu'un de l'intérieur le guide à la fois. Alhamdulillah, il est mashallah. Ensuite, il y a une autre guidée. Il est guidé, par exemple, vers le minhaj sahih. Combien de gens sont guidés vers la foi? Mais ce sont des tabliriyens. Ce sont des shi'as. Ce sont des takfiriyens. Ce sont des khawarij. Ce sont... Maintenant, s'il y a l'autre guidée, celle du minhaj, masha'Allah, deuxième guidée. Troisième guidée, masha'Allah, celle, par exemple, de demander la science. Pas tout le monde demande la science. Et pas n'importe qui peut demander la science. Pas n'importe qui. Hein? Des gens peuvent rester 2 heures pour faire la chaîne, pour avoir le ticket, pour rentrer au stade. 2 heures de chaîne pour rentrer au stade. Mais il ne peut pas rester une demi-heure en train d'écouter un das. Une demi-heure, c'est beaucoup pour lui. Hein? Il résiste, ensuite il ne peut pas. Il dit non, c'est beaucoup. Une demi-heure. Une demi-heure. Fisabillah. Une demi-heure de ton temps, fils Abidullah. Pourquoi tu donnes une demi-heure? Pourquoi tu donnes? Pour que tu rentres au paradis. Pour que Allah t'éloigne de l'enfer. C'est pour toi, ce n'est pour aucune autre personne. Tu te donnes une demi-heure pour ravir Allah et te faire rentrer au paradis. Et on n'accepte pas. On peut rester 2 heures dans la chaîne pour rentrer voir un match ou bien pour rentrer voir un film au cinéma. 2 heures, certains gens restent. Subhanallah al-Azim. Naam. Et certains, Allah Ta'ala leur donne une autre guidée sur le cœur. Celle, par exemple, de faire quoi? De faire, par exemple, le jeûne surérogatoire. Tu trouves des gens, mashallah, Allah Ta'ala leur a guidé, une autre guidée en plus, leur a ouvert une porte, comme il a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ اَهْتَدَوْ زِدْنَهُمْ هُدَى. Et ceux qui ont été guidés, on leur a ajouté une guidée. Pour vous dire qu'il y a guidée sur guidée, ça ne se termine pas. Les messagers ont le plus grand nombre de guidés. Je disais, certains, Allah Ta'ala lui donne une autre guidée, celle par exemple de jeûner les lundis et les jeudis, celle de jeûner toujours 3 fois par mois. D'autres personnes, Allah Ta'ala leur donne la guidée de faire la prière de la nuit. La prière de la nuit. Nous, on est en train de ronfler et eux, ils sont en train de, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, ou bihamdi, subhanallah, al-azim, comme ça. Ou bien en train de faire la prière, ou bien en train de lire le Coran, ou bien en train de faire le dhikr, alors que les gens sont en train de ronfler. D'où c'est venu, Hadi? C'est Allah Ta'ala qui t'a donné cette guidée. Naam. Si tu n'avais pas ouvert cette porte, jamais tu n'aurais pu faire cette chose. Jamais tu ne peux te lever la nuit et faire cette chose, ou la faire le jeûne, si tu n'ouvres pas ces portes et ne te guide pas. Donc, comme je disais, on termine avec le petit 1. C'est quoi? C'est que il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup remercier Allah Ta'ala de t'avoir donné la grande guidée, celle de l'islam, et il n'a pas fait de toi ni un chrétien, ni un juif, ni un hindou, mais il a fait de toi un musulman, un croyant, hein, qui l'adore et qui fait les prières et qui fait, masha'Allah, yani les choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire et s'éloigne des choses que Allah ta'ala lui a interdites. Ensuite, tu remercies aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? La deuxième chose, pour que s'il voulait, il t'aurait enlevé cette chose. Est-ce que quelqu'un l'oblige? Est-ce que quelqu'un oblige Allah subhanahu wa ta'ala à ce que je sois guidé? Pourquoi il m'a choisi moi? Il peut donner ça à une autre personne. Pourquoi il m'a choisi moi? Spécialement, il a fait de moi un croyant. Pourquoi? Donc, n'oublie pas que il peut enlever ça très vite et la donner à une autre. Il y a des personnes qui, jusqu'à présent, n'ont pas trouvé le chemin. Elles sont là, errantes. Elles cherchent. Naam. Beaucoup d'elles se suicident sans trouver le haq, sans trouver où est la vérité. Beaucoup de personnes se suicident. Des milliardaires, des richissimes, ils se suicident. Il n'a pas trouvé. Il se dit, pourquoi je vis, je ne comprends rien, je vais devenir de la poussière. Il vaut mieux mettre fin à... Et vous connaissez combien de sectes, surtout vous en France, et combien il y a de sectes, des sectes égarées qui se suicident par groupe, avec leurs enfants et leurs... Subhanallah al-Azim, leurs femmes, l'homme, tout le monde se suicide. A'udhu billah. Donc, d'un instant à l'autre, Allah Ta'ala peut te prendre cette chose que tu as dans le cœur et renverser ton cœur. C'est pour ça, N'oublie pas de remercier beaucoup, beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala que tu es toujours dans le vrai sentier et que tu es toujours là en train de faire ton possible pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour essayer de t'éloigner des choses qu'il a interdites. Deuxièmement, chose très importante, maintenant on passe à 2. On était petit 1, A, B, C. Petit 2. Patienter en quoi? Petit 1, c'est patienter pour faire les choses obligatoires. B, patienter pour ne patienter et endurer pour ne pas faire les choses illicites. Patienter et adorer et endurer pour ne pas faire les choses illicites. Naam. Car vous savez que quand il y a beaucoup de fitna, naam, c'est vraiment difficile de d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Plus il y a de fitna, plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient difficile. Mais Allah Ta'ala, yani, de par sa grande sagesse, a voulu que plus il y a de fitna et plus c'est difficile à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, plus à chaque fois que tu l'adores dans les fitna, etc., plus les récompenses sont beaucoup plus grandes. Naam, les récompenses sont beaucoup plus grandes que lorsqu'il n'y a ni fitna ni rien. Naam, plus il y a la fitna et tu résistes et tu fais, naam, et tu fais pas le haram. Plus Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de toi, plus les récompenses sont grandes. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Vous ne remarquez pas, par exemple, que vous, en France, où il y a les plus grandes fitnas du monde, que sûrement, inshallah ta'ala, en résistant, que vous avez beaucoup plus de récompenses que celui qui est dans un pays où il n'y a pas de fitna. Naam. En ce sens, vous avez beaucoup plus de récompenses que celui qui est dans un pays où il n'y a pas, par exemple, les fitnas que vous avez. Vous savez sûrement que la sœur qui met le djilbab, par exemple, en Europe, ce n'est pas comme celle qui le met au Koweït. Au Koweït, où le djilbab est peut-être beaucoup plus une habitude qu'une adoration. Même le niqab. Je vais vous dire une chose, peut-être ça va vous étonner. Ici au Koweït, car les Koweïtiens se divisent en deux, ce qu'on appelle le hadr et le bedou. C'est les campagnards, disons, et les mondains, ceux qui habitent, enfin tous ils habitent les villes, mais ici ils sont divisés en deux. On dit de celui-là Bedoui, il est de la campagne. Quand je dis il est de la campagne, il a la dernière Mercedes, bien sûr. Quand je dis il est de la campagne, il a la dernière Mercedes. Mais on dit comme ça, on dit Bedou, et dans leur façon de parler, c'est pas comme les autres qui ont des Hadr, qui habitent les villes, etc. Bref. Les bédous ici, ce qu'on appelle les compagnards, la fille, la sœur qui porte le niqab, quand elle est avec seulement les femmes, dans leurs habitudes, elle est interdite de montrer son visage même aux femmes. Subhanallah. Les femmes entre elles, c'est interdit qu'elles montrent son visage. Elles restent toujours avec le niqab. Elle dit c'est aïb qu'une femme voit mon visage. Subhanallah. Alors, imaginez par exemple vous, où quand la soeur met le djilbab et sort dans la rue, c'est pas facile, subhanallah l'azim. Les regards, hein, les regards, celui-là il crache, celui-là il dit un gros mot, celui-là il dit ceci, celui-là il rit, celui-là il la frappe avec un caillou, celui-là, tout ça c'est le djihad. Tout ça, c'est la preuve que quoi? La preuve de ta sincérité et de la véracité. La preuve, naam. Car Allah Ta'ala a cité ça dans le Coran. Il a dit, Waïda, il a dit, si les croyants passent devant les kofars, ils se jetaient des clins d'œil, yataramazoun, se jetaient des clins d'œil. Naam. Car s'il n'y avait pas de fitna, toutes les femmes mettraient le djilbab. Naam. C'est très facile de le mettre. Mais la plupart ne le mettent pas. Pourquoi? Elles sont complexées des gens. Moi, je ne veux pas que les gens parlent de moi. Moi, je ne veux pas que les gens me voient à travers. Moi, je veux pas que les gens yani, m'insultent. Moi, je veux pas ceci, cela. Naam. Donc, toi, tu veux le paradis. Tu veux le paradis. Et, mashallah, tu marches sur un tapis plein yani, de fleurs, plein de mimosas et plein de roses, mashallah. Et on va te rentrer au paradis comme ça facilement. Et tu oublies que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala inna sil'at Allah ghaliya. Tu as oublié que le prophète a dit la marchandise d'Allah est chère, certes, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Allah Ta'ala vend, vous savez que Allah Ta'ala vend et achète. Il te vend le paradis, il achète de toi quoi? Ton nefs. Tu lui vends, comme il a dit dans le Coran, tu lui vends ton nefs, tu lui vends ton argent. Alors c'est lui qui t'a donné le nefs, c'est lui qui t'a donné son argent. Il te dit, rends-les-moi et voilà ce que je te donne le paradis. Naam, rends-les-moi et je te donne, vends-les-moi. Voilà, je te vends le paradis, donne-moi ton argent et au paradis. Les gens croient que yani, ça, le paradis, yani, comme ça en dormant, sans qu'on soit insulté, qu'on soit frappé, sans qu'on ait des malheurs, c'est plein de quoi? Plein de fleurs, plein de. Les gens nous font les éloges, ils nous disent Masha'Allah, vous êtes Masha'Allah, et comme ça on va rentrer au paradis. La marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala, naam, ce n'est pas quelque chose que tu trouves dans le marché ou là de. Aux galeries. La marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le paradis. Ce que jamais une chose n'a vu, ce que jamais une personne n'a vu, ni on a entendu parler, ni ce qu'il y a dans le paradis, l'idée elle-même ne peut te passer par le cœur ni par l'esprit. Des choses que tu n'as jamais imaginées. C'est-à-dire quand tu rentres dans le paradis, tu dis pas « Ah, je savais qu'il y avait cela. » Ah, impossible. Même les choses qui sont citées, lorsque Allah Ta'ala cite, il a cité l'ashjar, il a cité les grenades romaines, il a cité le mose, il a cité les bananes, il a cité tout ce qu'il a cité, il a cité les raisins, tout ce qu'il a cité, rien ne ressemble. Il ne faut pas que demain, au paradis, tu dises, oh, je voyais ça. Quand j'étais à Paris, je voyais ça, ça se vendait ces raisins. Il y avait les mêmes, il y avait même mieux au marché. Impossible. Tout ce que tu verras là-bas, tu ne l'as non seulement jamais vu, mais encore, ça ne t'est jamais passé dans l'esprit que ça avait cette forme, telle forme, et telle couleur, et tel goût, et telle grandeur, et tel ceci. Jamais ça t'est passé par l'esprit. Subhanallah al-Azim. Tellement yani, le paradis, c'est masha'Allah. Donc ce paradis, le prophète alayhi salallahu alayhi a dit, Huffat bimada bin makarih. Le paradis a été entouré de choses détestables. Naam. Et l'enfer a été entouré de choses, naam, de tentations. L'enfer a été entouré de tentations. L'alcool, la drogue, les femmes, la zina, tout ça, vite, tu trouves en enfer. Facile et en enfer. Le paradis a été entouré de, il faut faire la salat. Il faut faire le hajj. Il faut faire le jeûne. Il faut se lever pour faire le wudu. Il faut mettre le jilbab. Il ne faut pas manger cette chose. Il faut s'éloigner de l'autre. Et comme ça. Subhanallah l'azim. Naam. Pourquoi? Parce que la marchandise d'Allah est chère. C'est quoi sa marchandise? C'est la Jannah. C'est la Jannah. Donc, comme j'ai dit, il faudrait, c'est le deuxième, mon petit 2, il faudrait aussi beaucoup de patience pour s'éloigner de quoi? Pour s'éloigner de haram. Naam. Et les meilleurs des gens, ce sont ceux qui groupent entre ces deux patiences. Naam. La patience de faire ce que Allah Ta'ala a ordonné et la patience de s'éloigner de Allah Subhanahu wa Ta'ala a demandé d'éloigner. Et les ulama ont dit que celui qui a, avec la première patience, c'est-à-dire la patience de faire les choses obligatoires, celui qui peut joindre à cette chose la deuxième patience, qui est celle de s'éloigner du haram, celui-là, c'est Masha'Allah, c'est un véridique. Vous savez pourquoi? Parce que la première patience, celle de faire des choses obligatoires, la plupart des croyants, yani, l'ont. La plupart des croyants, yani, si ce n'est pas tous, font la prière, vont au hajj, yani, font la salat, font ceci. Mais tous ont-ils la deuxième patience, qui est celle de s'éloigner du haram? Pas tous. Tu le trouves, masha'Allah, dans la première patience, celle de faire des choses que Allah Ta'ala aime, mais tu le trouves très faible dans la deuxième patience, celle de s'éloigner du haram. Non? C'est pour ça que tu trouves quelqu'un qui est masha'Allah avec la barbe et quoi? Et le qamis. Mais ce n'est pas toujours il s'éloigne du haram. Il peut allumer la télévision et voir des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et voir des choses vraiment indécente. Naam. Et pourtant, il fait les choses obligatoires. Il a la patience de faire les choses obligatoires. Mais il n'a pas la patience de s'éloigner des choses qui sont haram. C'est pour ça, pour reconnaître un véridique, on ne voit pas seulement est-ce qu'il a la patience dans les actes obligatoires et les obéissances, mais on voit est-ce qu'il a la patience dans le fait de s'éloigner des choses du haram. Vous avez remarqué combien de gens font les choses obligatoires, mais il leur est difficile de s'éloigner du haram. Non, c'est pour ça que tu trouves des gens qui font la prière et qui en même temps se droguent. En même temps, non, la drogue, beaucoup de gens de drogués rentrent dans le dîn. Et il est là avec la prière et la barbe, mashallah. Mais, tu dis entre nous, mais la drogue, je ne peux pas m'en éloigner. Parce qu'elle a habité mon cœur et mon âme et mon nefs. Vous voyez, faire le halal, c'est mashallah. Mais s'éloigner aussi du licite, c'est aussi important. C'est aussi important. Il faut joindre les deux. Ce n'est pas faire seulement les choses qui sont obligatoires ou bien qui ravissent Allah. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de gens peuvent par exemple faire l'aumône. Hein, je vois un pauvre, je lui donne. Je lui donne 5 euros, 10 euros, 100 euros. Beaucoup de gens font cette chose. Mais est-ce que tous les gens s'éloignent du haram facilement? Car pour s'éloigner du haram, il faut vraiment y aller, être un endurant et faire le djihad de la nafs pour ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour se dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cette chose. Comment se fait-il que je la fasse moi? Il faudrait que je fasse un djihad à moi-même jusqu'à ce que je m'éloigne d'elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans beaucoup de hadiths que le vrai djihad c'était djihad al-nafs? Naam, même dans le verset. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: «Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana». Ceux qui ont fait le djihad en nous, on va les guider. Le prophète alayhi salam a expliqué ce verset dans un hadith rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani. Il a dit quoi? Il a dit: «Jahadu fina», ils ont fait le djihad en nous, c'est-à-dire on fait le djihad du nafs, djihad du nafs, naam, pour s'éloigner du haram et pour faire yani le maximum qu'on puisse faire de quoi? Des choses qui sont halal. Naam. Là, j'ouvre seulement une petite parenthèse. Pour dire quoi? Pour dire que des fois, beaucoup de gens sont dans le haram et ils vont inventer un barème, ils vont inventer un barème et se baser sur lui et sortir avec quoi? Sortir avec un résultat qui est faux. Comment cela? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, puisque, subhanallah, je fais le haram et si Allah subhanahu wa ta'ala a été courroucé contre moi, alors ça me serait arrivé quelque chose. Il dit, puisque je n'ai pas de uquba, ça veut dire quoi? Il a dit, je n'ai pas eu de châtiment ici. Ça veut dire que, peut-être que Allah ta'ala m'a pardonné. Là, ce n'est pas grave ce que je suis en train de faire. Ou pire encore, ou pire, s'il va dire que, je ne crois pas que quelqu'un puisse dire cela. S'il va dire par exemple, que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala ne remarque pas ce que je fais. Naam. Peut-être que il n'a pas l'attention de ce que je suis en train de faire. Il est distrait. Astaghfirullah. Naam. Moi, je voudrais dire à toute personne, si tu fais le haram sciemment, tu sais que cette chose est haram, et tu l'as fait, naam, et rien ne t'arrive comme malheur, rien ne t'arrive comme malheur, sache vraiment, vraiment, vraiment, Allah ta'ala, Yani, ne te veut pas du bien. Car s'il te voulait du bien, il t'aurait donné le châtiment ici, très vite. Ici, très vite. C'est pour ça, attention, comme j'ai dit tout à l'heure, tu invites des règles de toi et tu dis, puisque rien ne m'est arrivé, donc il est ravi de moi. Attention, qui t'a dit ça? Ça, tu l'as tiré de ta tête. Ce n'est ni dans la Sunna, ni dans le Coran. Mieux encore, la sunna, yani, est venue avec le contraire de ce que tu penses toi. Elle est venue avec le contraire de ce que tu penses toi. Si vous voulez que je vous donne un exemple, regardez, vous avez écouté ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que pendant qu'un homme marchait dans la rue, un sahabi bien sûr, un sahabi, un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, pendant qu'un homme, un compagnon, marchait dans la rue, il a rencontré une femme. Et cette femme, autrefois, elle faisait la zina. Autrefois. Il a commencé à discuter avec elle. Salam alaikum, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, barakallahu fik. Ceci. Et il a jeté sa main sur elle. Pas pour faire la zina. Par exemple, il a mis sa main sur son épaule. Ou bien la main sur chose comme ça. Il l'a touché avec sa main. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il lui a dit meh. Meh, yani, si je puis dire, yani, éloigne-toi de moi. Quelque chose comme ça. Ou bien taqillah. Elle lui a dit laqad ja'a al-islam wa dhahaba bi-shirk. Naam. Elle lui a dit l'islam est venu et naam, le shirk et mon ancien mode de vie est terminé. Vous voyez la tauba. Naam. Khlas. Il n'y a plus les choses à laquelle tu es en train de penser, toi. Tu mets ta main sur moi. C'est terminé tout ça. Maintenant, l'islam. Autrefois, j'étais kafir là. Maintenant, c'est l'islam, mashallah. Quand elle lui a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il a reçu un choc. Comme un choc. Hein? Il a retiré sa main. Et il a eu tellement honte qu'il a quitté sur le coup. Il a quitté. Il a rebroussé chemin. Il a marché juste quelques pas. Mais quand il marchait toujours en la regardant. Yani, il regardait vers elle et marchait comme ça, yani, de l'autre côté. Je marche et je me retourne, je vois derrière moi, mais je suis en train de marcher yani, vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'il a été vraiment étonné et choqué. Naam. Il se disait peut-être, subhanallah, à ce point elle a changé, à ce point. Et quand il a fait quelques pas en marchant comme ça dans cet état, il s'est cogné la tête contre un mur. Il s'est cogné la tête contre un mur. Et il est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconter ce qui s'est passé. Regardez, ça prouve aussi que quoi qu'il était sincère, il aurait pu cacher ça entre lui et Allah. Allah Ta'ala est pardonneur. D'ailleurs, Allah Ta'ala ne te demande même pas d'aller raconter, ni au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à une autre personne. Mais celui-là, il est tellement sincère que il a peur que ce qu'il vient de faire a une certaine expiation spéciale et particulière qu'il ne connaît pas. Alors il vaut mieux qu'il raconte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être que il va lui dire voilà ce que tu dois faire. Quand il a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a répondu sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a dit voilà, j'ai rencontré une femme, j'ai mis ma main, je me suis cogné contre le mur, il lui a dit أنت عبد أراد الله بك خيرا. Toi, tu es une personne dont Allah Ta'ala t'a voulu du bien. T'a voulu du bien, bien sûr, en te faisant cogner la tête. Naam. Il lui a dit, toi, tu es une personne dont Allah Ta'ala t'a voulu du bien. Ensuite, il a dit, si Allah Subhanahu wa Ta'ala veut de quelqu'un du mal, naam, il le laisse comme ça, avec sa désobéissance, avec son péché, jusqu'à ce qu'il vienne le jour du jugement dernier avec son péché. Donc vous avez entendu ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toi tu es une personne dont Allah Ta'ala t'a voulu du bien. Et que si Allah Ta'ala veut du mal à une personne, il la laisse comme ça, il ne la punit pas. Il la laisse avec son péché pour qu'elle vienne yom al-qiyama avec sa montagne de péché. Ça dépend quel péché elle a. Ça peut être comme une montagne, ça peut être deux montagnes, trois montagnes. Ça peut monter jusqu'au ciel. Ça dépend ce qu'il a fait. Naam. Celui qui a fait par exemple la zina avec une femme normale n'est pas comme celui qui a fait la zina avec sa voisine. Celui qui a fait avec sa voisine, ce n'est pas comme celui qui a fait avec sa mère, par exemple. Celui qui a fait la zina au Koweït, ce n'est pas comme celui qui a fait la zina à la Mecque. Et comme ça. Naam. Ça dépend des péchés. Al-Muhim. Donc, qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? Que si je fais une faute et que Allah Ta'ala m'envoie le châtiment, je dois aussi le remercier. Je dis Alhamdulillah. Alhamdulillah que j'ai été puni dans ce bas monde et que je ne vais pas rencontrer Allah avec yani, quelque chose, avec un péché impuni. Car le rencontrer avec des péchés impunis, on ne sait pas ce qui va se passer de nous. Mais maintenant, j'ai expié mon péché. Deuxièmement, on prend de ce hadith que quoi? Que Allah Ta'ala donne un malheur à une personne, comme celui-là qui vient de se connaître, ça n'est pas un délil que Allah Ta'ala ne t'aime pas. Naam. Au contraire, il lui a dit ici, Allah Ta'ala a voulu de toi du bien. Il t'a connu, il t'a fait connu. S'il n'avait pas voulu, il t'aurait laissé alors. Donc, si il nous arrive un malheur, qu'est-ce qu'on fait? On fait composer les sahaba. On va s'asseoir et on va méditer. Qu'est-ce que j'ai fait par exemple? Et je commence à penser comme ça et je vais sûrement trouver que pendant cette semaine ou bien hier ou bien avant-hier, j'ai fait telle ou telle chose. C'est pour ça que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un d'eux montait sur sa monture, son chameau ou là, son cheval ou là, il ne voulait pas marcher, jamais il ne prenait un bâton pour le frapper. Mais il descendait et il essayait de se rappeler qu'est-ce qu'il avait fait. Il commence à dire astaghfirullah, astaghfirullah, et comme ça. Et s'il se rappelle ce qu'il a fait, et il fait un repentir sincère, il remarquera que la chose ou que l'animal, à la minute même, il va commencer à marcher. Dites-moi, l'animal, il se commande ou bien il a un créateur? Il a un créateur. Et l'animal peut marcher si Allah Ta'ala l'arrête? Il ne peut pas. Dites-moi, l'éléphant qui est venu, soi-disant, pour faire démolir la Kaaba. Vous lisez tous Sourate al-Fil, la sourate de l'éléphant. Tout le monde la lit. Est-ce que l'éléphant qui est plus fort peut-être qu'un char, un char de nos jours? Autrefois, il n'y avait pas le char, il y avait l'éléphant. Ils sont venus avec l'éléphant, content, mashallah, hein, classe, l'éléphant, la Kaaba, de sa trompe, il va la démolir, il va la jeter loin. L'éléphant, il n'a pas pu. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah Ta'ala l'a arrêté. Classe, il ne marche plus. On vient par derrière, on le pousse, on veut le brûler par derrière, il ne veut pas marcher vers l'avant. À chaque fois qu'on le pousse, il retourne de l'autre côté et commence à courir. Ensuite, on va courir derrière lui et on le fait ramener. Il arrive à cette limite, il ne peut plus marcher. Pourquoi il ne peut plus marcher? C'est Allah Ta'ala qui l'a arrêté. C'est Allah Ta'ala qui l'a créé, il le commande. La même chose ici, ta monture. Elle ne veut pas marcher. Allah Ta'ala ne veut pas. Tu as fait quelque chose. Non, tu as fait quelque chose. Taïb, nous sommes toujours à quoi? À yani, comment patienter pour ne pas faire le haram. Et troisièmement et enfin, patienter dans quoi? Patienter au destin et au malheur qui nous arrive. Et ça, c'est très important à savoir. Patienter au malheur et au destin, le destin qui, lorsqu'il vient avec des malheurs, mais des problèmes. Le malheur qui nous arrive se divise en deux. Le malheur qui nous arrive se divise en deux. Il y a des malheurs qui n'ont pas rapport avec les hommes et les êtres humains, ni les animaux, ni rien. Ça s'appelle, je donne un exemple, comme par exemple le tremblement de terre. Non, le tremblement de terre. Est-ce qu'il a rapport avec les êtres humains? La maladie. Je suis malade. Ça a rapport avec X ou Y? Ça n'a pas rapport. C'est comme ça. Donc il y a des choses qui viennent de Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'ils aient rapport avec les êtres humains. Et la deuxième sorte de malheur, les malheurs qui nous viennent, qui nous arrivent par l'intermédiaire des êtres humains. Premièrement, les malheurs qui nous arrivent sans l'intermédiaire des êtres humains, les ulama disent, ces malheurs sont beaucoup plus faciles à supporter. Vous savez pourquoi? Parce que la personne sait que c'est plus fort qu'elle. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis tombé malade. Qu'est-ce que je peux faire? C'est plus fort que moi. Maximum, je vais chez le docteur ou là je fais des douas ou là j'achète des médicaments. Mais est-ce que je peux me révolter ou là me rebeller? Subhanallah l'azim. C'est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quelqu'un, il y a son fils qui meurt, l'autre son mari qui meurt, l'autre sa femme, son épouse qui meurt. C'est venu d'où? c'est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces malheurs sont beaucoup plus faciles à supporter. Naam, c'est pour ça que beaucoup de gens supportent ces malheurs. Mais parlons un peu maintenant du deuxième cas, c'est-à-dire grand 3, petit b, les malheurs qui viennent des êtres humains et des gens qu'on connaît et des amis et de la famille, etc., etc. Ces genres de malheurs, seuls les véridiques peuvent les supporter et peuvent endurer avec ces malheurs. Pourquoi ? La différence entre le premier et le deuxième, tu es dans le deuxième malheur, la deuxième sorte, tu connais celui qui t'a fait mal. Tu le connais, il s'appelle X et Y, il habite dans telle rue, dans telle maison. Tu le connais. Et on a dans le cœur toujours quelque chose qui s'appelle la vengeance. Et on voudrait se venger sur cette personne. Et on voudrait, yani, la châtier. Ou alors on voudrait l'emprisonner. On voudrait. Et Mouhim, on a un feu qui brûle dans le cœur. C'est pour ça que c'est difficile à endurer et à supporter. Quant à la première sorte qui vient directement d'Allah, tout le monde dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tout le monde dit ça. Mais la deuxième sorte, celle qui nous vient, les malheurs qui nous viennent de par des gens, ils sont difficiles. Parce que tu vois la personne qui vient te faire le mal, tu la vois. Subhanallah al-Azim. Et tu voudrais te venger, etc. Non, tu voudrais te venger. Subhanallah al-Azim. Je profite, une parenthèse, je profite, puisque, mashallah, je vois qu'il y a 200 dans la salle. Je profite de dire que sur la bannière où c'est écrit Ibn Taymiyyah, etc., etc., Jiran, comme, non, tout à l'heure, quand on termine le date, cliquez là-bas, vous allez trouver la semaine, c'est écrit quand est-ce qu'il n'y a pas de doros, la semaine où je vais m'absenter, et vous trouverez que pour les appels téléphoniques, j'ai changé maintenant, ce n'est plus toute la semaine, seulement deux fois par semaine, c'est seulement deux fois par semaine, barakallahu fik, naam, barakallahu fik pour cette remarque, naam, barakallahu fik pour cette remarque. Donc, quelle est la preuve que seuls les véridiques supportent et endurent? Quand ça vient de qui? Quand ça vient le malheur, quand il vient par le biais des gens. Par le biais des gens. Naam. Regardez par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rahimallahu Moussa. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse la miséricorde à Moussa. Pourquoi? Pourquoi spécialement? Il a dit فَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرْ. Il a dit que on lui a fait beaucoup plus de mal qu'on ne m'a fait, et quoi? Il a dit il a enduré. Vous voyez les messagers comment qu'ils endurent. Naam, les messagers comment qu'ils endurent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, sans le citer, il nous a parlé d'un des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit sa nation ou sa tribu l'ont frappé. Et, subhanallah al-Azim, lui ont même fait couler du sang. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Allahumma khfir li qawmi, fa innahum la ya'lamun. Oh Allah Ta'ala, pardonne. Pardonne à ma nation, là, à ma tribu, là. Ce sont des gens qui sont ignorants. Ce sont des gens qui sont ignorants. Naam. Celui qui peut endurer quand quelqu'un lui fait du mal, naam, celui-là est un véridique. Mais quand il endure de quelque chose qui vient d'Allah, c'est un croyant. C'est un croyant, mais il n'y a pas une preuve qu'il est vraiment sincère. Mais c'est un croyant, mashallah, il a des ajr. Mais quand quelque chose vient par le biais d'une autre personne, et que cette personne, naam, endure et patiente, ça veut dire que vraiment, cette personne, c'est quoi? C'est une personne véridique. Naam. Et ce qui aide, ce qui nous aide à patienter, ce sont des choses. Et avant de vous dire quelles sont les choses qui nous aident à la patienter, car quand quelqu'un nous fait du mal et on patiente et on lui pardonne, ça encore c'est plus, c'est beaucoup beaucoup beaucoup de piété. Endurer et encore pardonner, lui pardonner, naam, lui pardonner parce que je le fais fi sabilillah. Si c'était en moi, je n'accepterais pas. Je suis orgueilleux. Je n'accepte pas de pardonner. Je suis orgueilleux. Mais quand je sais que celui qui pardonne, que va lui donner Allah subhanahu wa ta'ala, alors je vais pardonner. Mais avant de vous dire ce que Allah ta'ala donne à la personne qui pardonne, à l'autre personne qui lui a fait du mal, écoutez ce que je vais dire. Vous avez remarqué que l'endurance et la patience se divisent en trois. Patienter pour faire l'obéissance, patienter pour s'éloigner du haram et patienter dans les malheurs. Et ce que Allah Ta'ala a écrit comme destin. Ces trois sortes de patience, regardez comment elles ont été jointes chez notre prophète Youssouf alayhi wa nabiyina salatu wassalam. Youssouf alayhi salam et aussi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ont joint entre ces trois sortes de patience. Parlons de la première patience, patienter pour faire des choses obligatoires. Youssouf alayhi salam, quand on l'a emprisonné, qu'est-ce qu'il a fait dans la prison? Comme font les gens, la drogue, etc. dans la prison, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la prison, il a fait l'obligation de la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en étant dans la prison, avec les kuffars, il leur faisait la da'wa. Vous connaissez le ayah, la ayah, le verset. Je ne l'ai pas ici en français. Lorsqu'il leur a dit, Ya sahibi sijn, a arbabul mutafriquna khair, amillahu al-wahidul qahar, ma ta'abuduna min dunlahi l'asma. Oh vous, yani, qui êtes en prison, vous deux, est-ce que, yani, je vous donne à peu près en ce sens, est-ce que yani, Allah subhanahu wa ta'ala adorer Allah est mieux, ou bien ce que vous êtes en train d'adorer vous? Non, regardez donc, dans la prison, Youssouf alayhi salam a enduré, dans la première sorte de patience, celle de faire la chose obligatoire qui est la da'wa. Faire la da'wa à Allah, vers Allah, la prédication est une chose obligatoire pour celui qui a la science. Et il n'y a pas quelqu'un qui a plus de science qu'un messager. Et regardez Youssouf alayhi salam dans la prison, il n'a pas dit je suis dans la prison. J'attends que mes parents viennent me voir ici. Non, c'est le moment de faire la da'wa. Il a vite sauté sur l'occasion, masha'Allah. Ça, c'est dans la première sorte. La deuxième sorte, patienter pour ne pas faire le haram. Youssouf alayhi salam, celle qu'on dit qui s'appelle Zuleyha, qui est citée dans sourate Youssouf, ne lui a-t-elle pas demandé de faire le haram? Est-ce qu'elle lui a demandé seulement une fois, ou bien Allah Ta'ala a dit wa rawadatuhu? Rawadatuhu, ça veut dire elle a exagéré dans le fait d'aller et venir. Elle vient vers lui et lui dit fais cette chose, fais. Ensuite il dit non, elle repart, elle revient, fais cette chose, fais, là on est seul, il n'y a personne qui nous voit. Il dit non, elle part et elle revient. C'est ça rawadatuhu, plusieurs fois. Ah, mais elle a insisté pour qu'il fasse avec elle quoi? Le haram. Et ensuite, comme vous savez tous, elle a bien fermé les portes. C'est-à-dire qu'il pouvait faire cela tranquillement, sans que personne ne le voie jamais. Naam. Et comme vous savez tous, qu'elle était venue dans ses plus beaux habits, et ses habits qui sont une grande fitna pour l'homme. Des habits très très légers, et à travers lesquels on peut voir le corps de la femme. Comme si elle n'avait pas d'habit. Vraiment, vraiment une grande fitna. Et vous savez que, subhanallah l'adim, c'est la femme qui demande. Naam. Ce n'est pas l'homme qui a demandé, ce n'est pas lui qui a demandé. C'est elle qui demande. Naam. Un homme peut demander, la femme lui refuse. Maintenant, c'est elle qui veut cette chose. Et vous savez tous que lui, il était très beau. Naam. Ça joue un rôle. Et vous savez tous que il était à l'étranger, il n'était pas dans son pays, il était dans un autre pays où personne ne le connaît, où on peut faire facilement le haram. Voilà. Et en plus de cela, vous savez que c'était un domestique chez elle, Le domestique, il doit obéir à la maîtresse. Comment il n'a pas eu peur, il n'a pas peur qu'il soit expulsé. Non, il soit expulsé du palais. Et en plus de cela, yani, le mieux, c'est quoi? C'est que elle l'avait menacé. S'il fait pas ce que je suis en train de lui dire, je vais le jeter en prison. Ou bien, il sera vraiment quelqu'un d'humilié. Et en fait, elle l'a bien jeté en prison. Il est resté, Nam, beaucoup d'années, certains ont dit 7 années, certains ont dit plus, dans la prison. Je me rappelle une chose maintenant, quand j'ai parlé d'années, j'ai dit 7. La fois passée, quand je vous parlais de Ibrahim alayhi salam, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant de Ibrahim, je vous ai dit que certains ont dit qu'il a vécu 3 ans, et moi je vous ai dit qu'il avait vécu seulement 8 mois. En fait, ce n'était pas 8, c'était 18. C'est moi qui me suis trompé. Je voulais dire 18, j'ai dit 8. Naam. C'est l'avis le plus sûr que c'est Inch'Allah ta'ala 18 et que ce n'est pas 3 ans comme disent les autres. Mais Malish, il y a un deuxième avis où c'est dit 3 ans. Naam. Malish. Donc, ça c'est quoi? C'est la deuxième sorte de patience. Youssouf alayhi salam patientait pour ne pas faire le haram. Vous voyez combien il a patienté avec Zuleyha. Naam. Et troisième sorte de patience, c'est quoi? C'est patienter dans le destin et au malheur qui nous arrive. Youssouf alayhi salam, comme vous savez, on l'a éloigné de ses parents déjà très jeune. Miskin, il jouait et on l'a pris par l'Adem, on l'a jeté dans un puits. Tout jeune, il n'était même pas pubère. Subhanallah, déjà le premier malheur, on l'éloigne de ses parents comme ça jeune, c'est vraiment difficile, soit pour lui et aussi pour ses parents. Son père n'était-il pas devenu aveugle à cause de qu'il a beaucoup pleuré sur son fils? N'était-il pas devenu aveugle à cause de quoi? À cause de tellement il a pleuré sur son fils, Naam. Donc très jeune déjà, on l'a éloigné de ses parents. Deuxième malheur, on l'a jeté dans un puits. Subhanallah al-Azim. Une grenouille, on la jette pas dans le puits. Subhanallah al-Azim. On jette une personne qui va devenir un messager, mashallah, une personne pure, un saint. On le jette dans le puits. Voilà un autre malheur. Subhanallah al-Azim. Troisième malheur, on l'a vendu. Naam. Comme on vend un domestique et un esclave. Le Coran a même cité que ceux qui l'ont acheté à un prix très bas. Il n'a même pas été vendu cher, d'un prix cher. Il n'a pas, yani, même sa valeur n'était rien. Il n'a rien valu, subhanallah, rien. On l'a acheté avec quelques centimes comme ça et on l'a acheté, subhanallah. Comme de nos jours, par exemple, on achète un domestique avec, je sais pas, 1 euro. Donc il a été vendu comme un domestique. C'est quoi? C'est aussi un autre malheur. Et le quatrième malheur, on l'a éloigné de son pays. Allez, va vivre loin, loin, loin, en Égypte. On l'a éloigné de son pays. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit que As-safaru qit'atun min al-'adab. Il dit le voyage est qita, c'est disons une partie, si je puis dire, du châtiment. Naam. Vous ne remarquez pas que quand on voyage, yani, combien on se fatigue. Vous ne voyez pas pourquoi il est permis de raccourcir la salat, etc. Pourquoi? Et tu ne fais pas le jeûne si tu veux. Pourquoi? Car c'est vraiment difficile, l'azab, le fait de voyager. Alors imaginez celui-là. Non seulement c'est un voyage pour lui, mais yani, il a été astreint à résidence, subhanallah, astreint à ce qu'il soit, bon, qu'il réside dans un autre pays, loin, subhanallah, de quoi? Loin de ses parents, loin de ses frères, etc. Et dans tout cela, qu'est-ce qu'il a fait? Dans tout cela, masha'Allah, il a quoi? Il a patienté, bi'illah. Donc, Youssouf, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joint entre les trois sortes de patience. patienter pour faire l'obéissance, patienter pour s'éloigner du péché, patienter pour les choses yani, qui viennent du destin, patienter dans les malheurs, patienter dans les malheurs, n'am, et les choses qui nous poussent bi'idna azza wa jal à patienter quand on a des problèmes. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah en a cité à peu près 11 choses qui nous aident bi'idna azza wa jal à patienter quand on a des malheurs, n'am. J'en ai choisi trois bi'idna azza wa jal, n'am. La première, ou bien je préfère que ces trois là inshallah ta'ala je les laisse pour le prochain dars bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Muslim alhamdoulillah, si tu as le Coran où il y a les enfants qui récitent après l'autre, tfadla inshallah ta'ala, mets-nous ce Coran. On se rencontre inshallah ta'ala dans 5 minutes. Barakallahu fikum pour votre présence. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في صوت؟ نعم. الحمد لله حق حمده والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. دابور je dis aux frères et aux sœurs, surtout aux sœurs, qui lorsqu'elles sont dans le dars, et quand elles sont dans le dars, elles sont, comment dirais-je, elles sont embêtées. Hein, on leur écrit des choses, etc. D'abord, j'ai dit que quiconque, ça c'est une amana que je vous fais, quiconque vous envoie un lien, hein, vous me le dites. Vous me dites qui c'est cette personne qui a envoyé un lien pour que bidna ta'ala, je la bounce. Car je sais que s'ils envoient un lien, c'est un lien de takfir, de Khawarij ou bien de Shia ou n'importe quelque chose d'égaré, c'est sûr. Non. Premièrement. Et deuxièmement, pour éviter toutes ces choses, pour que tu puisses, mon frère et ma soeur, écouter le dars sans que personne ne puisse te contacter, qu'est-ce que tu dois faire? Regarde. Dans le Pal Talk, il y a une principale, pas dans cette fenêtre, l'autre, où il y a, des amis, etc. Non. C'est écrit file, action, favorite et help. Vous voyez avec moi, lorsque le Pal Talk s'ouvre, il y a toujours c'est écrit en haut, file, c'est pas dans cette page, dans le Pal Talk, file, action, favorite et help. Je vous lis, je prononce en français. Hein. Vous cliquez sur file, où c'est écrit file. Vous cliquez sur file, vous trouvez écrit en haut, setup préférence. Non? Setup préférence. Vous cliquez sur setup préférence. Et après avoir cliqué sur setup préférence, vous choisissez, vous avez quoi maintenant? Général, texte, audio, webcam, slider, privacy. Ou c'est écrit privacy. Il y a des privés ici, il y a des. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous allez trouver en haut, c'est écrit quoi? Who can contact me? Qui peut me contacter? Vous avez 1, 2, 3. Vous choisissez la troisième en bas. Allo contact from PAL list only. C'est-à-dire personne ne peut me contacter sauf naam, les amis que j'ai dans la liste. Personne ne peut me contacter sauf les amis que j'ai dans la liste. C'est-à-dire aucun étranger ne peut me contacter. Et tu cliques sur OK en bas. Tu cliques sur OK en bas. Ensuite, personne ne pourra te contacter. Tu restes, masha'Allah, en train d'écouter sans que aucune personne ne te contacte sauf celle que tu as dans la liste. Celle que tu as dans la liste, c'est sûr que ce sont tes amis, c'est-à-dire ils ne vont pas te faire de problème. Donc je répète inshallah ta'ala, on clique d'abord sur quoi? File. Non, on commence par file, ensuite file, setup préférence, la première setup préférence, ensuite on clique sur privacy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On choisit la sixième où c'est écrit privacy. On clique. Et ensuite, on choisit la troisième. 1, 2, 3. Allo contact from PAL list only. On choisit celui-là, on dit OK. Ensuite, plus personne ne pourra te contacter. Bi'idnillahi azza wa jal. On va commencer, inshallah, très vite par les questions. Une seule question, inshallah ta'ala, par réponse. Une seule question par personne. Et, inshallah ta'ala, les questions sur ce que j'ai dit, ou alors au moins sur la aqida, sur ce que j'ai dit, ou bien au moins sur la aqida. Inch'Allah ta'ala, mollusque, tfaddal. Quel message on te demande, musulman? Muslim, donne-moi le message en PV d'abord. Donne-moi le message en PV. Donne-moi voir le message ici, inshallah ta'ala, tfaddal. Ah, non pas dimanche, pour du mois. Tfaddal, c'est quoi ce message? Passe-le, inshallah ta'ala. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son, cher? Est-ce qu'il y a du son? Naam, barakallahu fik, Ibn al-Qayyim. Donc, cher, si je peux passer un message par rapport à des frères de Paris qui n'ont plus d'imam pour la khutbah Jumu'ah. Donc, est-ce que je peux passer le message, Inch'Allah? Je ne sais pas si vous êtes là, cher. Bon, khair, Inch'Allah, pour ceux qui m'entendent. Donc, les frères de Paris recherchent un frère du Minahaj pouvant faire Jumu'ah dans la mosquée de Verrières le Buisson, dans le 91, proche de Massy, dans le 91, Antony 92, ou Châtenay-Malabry, dans le 92, pouvant, Inch'Allah, effectuer une khutba en arabe français et ayant un minimum d'études islamiques. Donc, Barakallahu fik, si quelqu'un connaît une personne pouvant faire la khutba, qui me contacte soit en PV ou qui contacte Badr Din. Je vous donne le pseudo, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saut. Moulusque, Wasmak, Muslim, tu as fait l'akhor? Tu as dit ce qu'il fallait dire? J'étais déconnecté. Tu as passé le message ou bien je te donne le micro? Dis-moi vite si tu as passé le message. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moulusque, hayakallah, tafaddal. Tafaddal, Moulusque, prends le micro. Allo, salam alaikum, Cheikh. Donc, j'espère que vous allez bien. En fait, ma question, c'est en rapport avec la Aqida, mais comme j'étais pas là dès le début du cours, je sais pas si c'est ça. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre le qada ou le qadar? Et je voulais également savoir aussi si vous aviez l'intention de faire le Hajj, Inch'Allah, car je compte m'y rendre et j'aimerais vous rencontrer là-bas, Inch'Allah, si vous avez l'intention. Barakallahu fikoum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne la différence entre le qada et le qadar, beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses sans arriver vraiment à, disons, à un résultat acceptable. Nous allons dire la vie, Inch'Allah ta'ala, le plus juste, la vie qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, c'est que le qada, on fait la différence entre le qadar et le qada. Le qadar, je commence avec le qadar, où il y a le R. Le qadar, c'est ce que Allah ta'ala a écrit sur la tablette préservée, il l'ouh al-mahfouz. Tout ce qui est écrit là-bas, c'est le qadar. N'am. Maintenant, ce qui est écrit là-bas, beaucoup de choses se sont passées et ont eu lieu, et beaucoup de choses n'ont pas encore eu lieu, comme la fin du monde, comme la venue du Messie Dajjal, comme la descente de Jésus. De tout ça, ce n'est pas encore arrivé. Tout ce qui n'est pas arrivé, n'am, ça rentre dans le qadar. Et quand la chose se passe, la chose qui était écrite en haut se passe en bas, c'est devenu qada, qada. Donc je répète, le qadar, c'est ce qui est écrit sur la table préservée. Et le qada, c'est la chose qui a déjà eu lieu. C'est devenu un qada. C'était qadar, c'est devenu qada, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne le hajj, malheureusement, je ne vais pas y aller cette année. Naam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala joigne entre nos cœurs et on se rencontrera, inshallah ta'ala, l'an prochain, là-bas, ou bien une autre fois, ou bien dans un autre endroit, puisque déjà, inshallah ta'ala, dans le cœur, il y a le fait de vouloir faire cette rencontre. Wa jazakallahu khayran wa barakallahu fik. Naam. Ayman, tafaddali. حياك الله يا مولاي. أم أيمن تفضلي. Est-ce que tu lis Muslim Alhamdoulilah, est-ce que tu lis ou bien Ibn al-Qayyim est là? Comme vous voulez. Est-ce qu'Ibn al-Qayyim est là? Je ne sais pas. Est-ce que tu lis? Tfadla. Naam, le cheikh il est là. Si vous pouvez le trouver dans la liste, inshallah. Barakallahu fikoum. Salamu alaikum, cheikhana. La semaine dernière, vous avez expliqué que les dua peuvent interférer avec la permission d'Allah Ta'ala dans le qadr. En est-il de même pour le mauvais œil? Car j'ai lu un hadith qui dit que si le mauvais œil pouvait concurrencer le destin, il l'emporterait. Wallahu a'lam, jazakallahu khayran shir. Naam, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce hadith est sahih bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est sahih bi'idhnillah azza wa jal. Le mauvais œil, lui-même, naam, yani, il peut comment on dit ça, interférer et rendre le destin bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, le mauvais œil, tellement yani, c'est quelque chose de grave. Mais de toute façon, quand le mauvais œil arrive, c'est que lui-même, il était écrit que cette personne, par exemple, allait donner un mauvais œil et que l'autre personne allait recevoir le mauvais œil car elle n'était pas vaccinée et n'a pas fait de doua aussi pour rendre ce mauvais œil. Naam. Mais le hadith est sahih, comme tu as dit ici. J'ai lu le hadith, si le mauvais œil pouvait concurrencer le destin, il l'emporterait. Allahu alam. Naam, c'est un hadith sahih. Donc, un shay'a sabiqun lil qadr la kana al-'ayn. Naam, ça veut dire que l'ayn c'est vraiment dangereux et que si elle arrive aussi, c'est que c'est rentré aussi dans le qadr. Ça rentre aussi dans le qadr et Allah Ta'ala écrit que tel jour, telle personne va frapper d'un coup d'œil une autre personne et que cette personne sera touchée par le mauvais œil, car comme j'ai dit, peut-être qu'elle n'est pas vaccinée, elle ne faisait pas le doigt, elle ne lisait pas le mu'awidat, elle ne lisait pas Ayatul Kursi, ceci, cela. Elle a été touchée par le virus du mauvais œil. Le mauvais œil, il est des fois tellement dangereux qu'il tue des personnes. Il est tellement des fois dangereux qu'il tue des personnes. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans un de ses livres, a dit que c'est dans un petit village, il y a quelqu'un qui a un très mauvais œil, au point où il peut tuer quelqu'un, il est permis alors au gouverneur de l'astreindre à résidence. Non, il ne le laisse plus sortir de sa maison, par exemple. Il lui met deux policiers devant la porte et un policier devant la fenêtre pour qu'il ne saute pas du balcon. Non, et il ne le laisse jamais sortir et on lui donne la paye, on lui donne tout ce qu'il veut, seulement il ne sort pas pour ne pas tuer les gens avec son mauvais œil. Wallahu azza wa jal a'lam. Omar, tafadhal. Tafadhal, Omar. Non, je ne la vois pas, Omar. Je ne la vois pas car peut-être elle est longue. Dans la, inshallah ta'ala, dans la muslim. Ou bien dans la Ibn al-Qayyim si je le trouve. Naam. Essaye de la couper, inshallah ta'ala. Essaye de la couper, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Essaye de la couper car tu ne peux pas écrire plus de 5 lignes. Plus de 5 lignes, tu ne peux pas. Naam, naam. Pour ne pas perdre de temps, le Cameroun est tafadhal, hayakallah. Ibn al-Wasmak, Muslim, tafadhal, car je n'ai pas trouvé Ibn al-Qayyim. Tafadhal. Naam, Cheikh Ibn al-Qayyim, je l'ai trouvé, mais il est occupé. Khair, Inch'Allah. Cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, vous récompense et vous augmente la science. Allahumma amin. Lorsque l'on est victime d'un mal venant d'une autre personne, comment doit-on se comporter et que doit-on dire? Entre parenthèses, dua ou supplication. Barakallahu fikum. Lorsqu'un mal nous vient d'une autre personne, il faudrait de préférence, si on pouvait vérifier quelle est l'intention de celui qui nous a fait le mal. Vous savez que des fois, une personne veut nous faire du bien et elle nous fait du mal. Et elle croyait que c'était une bonne chose, ou là, elle voulait faire du bien, mais voilà, elle s'est trompée, ça, elle est arrivée au mal. Non. On doit d'abord essayer de vérifier si on peut quelle est son intention. M'a-t-elle fait le mal, comme ça exprès et sciemment, ou bien c'est venu d'elle sans le vouloir? Maintenant, quand une personne en a vérifié, on sait par exemple que c'est une personne qui nous veut du mal et elle nous a fait du mal, qu'est-ce qu'on va faire? On choisit entre deux choses. Ou bien lui pardonner. Et ça, c'est la meilleure des choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par Sheikh al-Albani, Allah yarhamou, a dit: chaque personne qui retient, disons, son courroux et son énervement, elle retient dans le cœur, et si elle pouvait, elle l'aurait exécuté. Donc ici le hadith parle de la personne qui peut rendre le mal par le mal. Il ne parle pas d'une personne qui ne peut pas faire, ne peut pas rendre le mal. Non, une personne qui peut rendre le mal par le mal, il a dit mais ne le fait pas et le laisse dans son cœur et patiente. Il a dit cette personne, Allah Ta'ala le jour du monde dernier, devant tout le monde comme ça, et tout le monde en train d'entendre, il va l'appeler et lui dire toi, et tout le monde est en train de voir, subhanallah al-Azim, lui dit toi, choisis aujourd'hui parmi toutes les femmes que tu vois ici, les femmes du paradis, Hurlain, choisis parmi toutes celles-là, je te marie avec toutes celles que tu désires. Ici, c'est une femme qui a patienté, sûrement qu'il lui dira le contraire, en choisissant les hommes du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Donc ça, c'est la première des choses qu'elle peut faire si elle veut. Et la deuxième des choses, si elle n'a pas cette foi, mais n'a pas cette force, alors il lui est permis, par exemple, si elle veut, de faire des doigts contre cette personne. Naam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zolim. Allah Ta'ala n'aime pas les mauvaises choses qu'on dit, sauf celui qui a été lésé. Et les mauvaises choses ici, les ulama ont dit, les doigts. Allah Ta'ala n'aime pas les mauvaises doigts contre les gens. Il a dit, sauf celui qui a été lésé. Quelqu'un qui t'a fait du tort, il t'est permis de faire des doigts contre lui. Mais à condition de ne pas exagérer dans les doigts pour qu'il lui arrive plus qu'il ne t'est arrivé. Quelqu'un, par exemple, te vole 100 euros, tu vas lever les mains et dire, Ya Allah, donnez-lui un cancer et le sida. Ya Allah, donnez-lui un cancer et le sida. Tu ne crois pas que tu as exagéré dans la doua? Il t'a volé seulement 100 euros. Lui, s'il va tomber malade avec le sida et l'autre, ou là seulement une des deux maladies, combien d'euros va-t-il dépenser? Et sa vie est perdue et c'est la mort qu'il a. Donc il ne faut pas exagérer, même si on fait une doua contre quelqu'un, on n'exagère pas. Non. Et en islam, bien sûr, si tu as fait mal, tu vas chez le juge et tu déposes plainte. Et tu déposes plainte. Donc cela dépend de la personne. Tu peux ou pardonner, ou faire des doigts, ou lui rendre l'appareil aussi, si tu veux. Tu lui rends l'appareil si c'est possible. Non. Tout cela est permis à condition que l'appareil, ça ne soit pas un haram. Ce n'est pas, par exemple, il a insulté ta mère, tu vas insulter sa mère. Non. Insulter la mère d'une personne est interdit, même si lui, il a insulté ma mère. Je ne fais pas la même faute que fait lui. Naam. J'étais en train de dormir, il a pris une bouteille d'alcool, un verre d'alcool, il m'a jeté dans ma bouche, j'étais en train de dormir. Est-ce que moi, je vais lui mettre de l'alcool dans sa bouche? Non, c'est interdit l'alcool. Pourquoi? Parce que je ne fais pas le haram en faisant la vengeance. Je n'ai pas le droit de faire le haram. Mais si j'étais en train de dormir, il m'a jeté un peu d'eau de javel dans ma bouche. Naam, je lui jette un peu d'eau de javel. Il m'a jeté un peu de jus. Je lui jette un peu de jus et comme ça. Seulement, je ne dois pas rentrer dans le haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. طيب, on revient à Omar, inshallah ta'ala. Omar, est-ce que, inshallah ta'ala, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ou là tu n'es pas prêt, Omar? Est-ce que tu es prêt? طيب, pour ne pas perdre de temps, inshallah ta'ala, on descend à Fredzer. Tfadzal, Fredzer. Hayyakallah, Omar, tfadzal. Je lui ai envoyé un musulman. Muslim, est-ce que tu es prêt? Inch'Allah, Muslim, est-ce que tu es prêt ou bien on passe à... Naam, tafadhal. Il a dû se tromper, car je n'ai rien du tout. Tayyib Omar, il n'a rien du tout musulman. Écris-lui, envoie-lui un PV, envoie-lui une fenêtre ouverte. Et laisse-le, Inch'Allah ta'ala, c'est lui qui va te répondre. Envoie une fenêtre ouverte, et laisse-lui, lui, il va te coller quelque chose dans ta fenêtre, Inch'Allah ta'ala. Frézer, tafadhal. Et si tu veux prendre le micro, tafadhal, hayakallah, on t'entend. Muslim, tafadhal. Salam alaykoum wa rahmatullah, cheikh. Excusez-moi, mais ma question est urgente. Pourquoi donner des euros à quelqu'un en France et lui demander de donner des dinars à mon beau-frère en Algérie? C'est du riba? Et est-ce que faire du change en tant que business, c'est haram? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Normalement, la question n'a rien à voir avec la aqida. Et répondre à une personne, cela veut dire que je dois répondre à toutes les autres personnes. Sinon, le deuxième dira pourquoi vous avez répondu à Fredzer qui a posé une question pas dans la aqida et moi vous ne me répondez pas. Pourquoi vous allez répondre à Fredzer qui ce n'était pas dans la aqida et moi vous ne me répondez pas. C'est pour ça que Fredzer, je te répondrai Inch'Allah Ta'ala en PV dès que je termine le dars. Non, dès que je termine le dars Inch'Allah Ta'ala, je te répondrai en PV si tu veux rester avec nous Inch'Allah Ta'ala, car je termine seulement à 1h du matin, c'est-à-dire dans 45 minutes je termine Inch'Allah Ta'ala. Naam. Saïd 95, tafadhal. Muslim, hayyakallah. Naam, cheikh, c'est kif-kif là, c'est toujours pas dans le sujet. Donc je lis pas Inch'Allah. Inch'Allah, veuillez respecter Barakallahu Fikoum. On a prévenu avant le début des questions-réponses que c'était des questions concernant le sujet de ce soir. Il y a des soirées réservées spécialement pour les questions diverses. Barakallahu Fikoum. Tayyib, Saïd 95, tu as entendu ce que j'ai dit à Fritza. Si tu veux m'attendre, Inch'Allah ta'ala, à la fin du dars, je te réponds, Inch'Allah. Adam. Tafadhal Inch'Allah Ta'ala. Il y a des gens qui ont des problèmes avec le dars et peut-être n'ont pas compris des choses et s'ils ne passent pas, yani, ils peuvent avoir des problèmes dans la aqida. C'est pour ça que je commence par eux et les autres Inch'Allah Ta'ala après le dars. Naam Cheikh, donc là il y a une question. Salam alaikum. Pouvez-vous nous expliquer dans quelle mesure la secte Al-Qadiriya s'est égarée au sujet du destin? Est-il vrai que certains groupes de Jama'at Tablir possèdent cette croyance corrompue? Nafa'allahu bikum wa fi ilmikum. Amin. Fi sawt muslim. Fi sawt. Naam, alhamdulillah. La Qadariya est une secte égarée. Une secte égarée. Pourquoi elle est appelée Qadariya? Parce qu'elle renie le destin. Elle renie le destin. Elle dit que yani, tout ce qui arrive, c'est nous. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit dans la table préservée. Je suis libre, je fais ce que je veux. Ce que je veux, pardon. Rien n'a été écrit. Naam, il renie le destin. Est-ce que... Et bien sûr, eux-mêmes sont divisés en d'autres sectes et groupes. Ensuite, dit, est-ce que les tabliris, certains groupes de Jama'at Tablir, c'est cette croyance corrompue. Les tabliris, ce sont des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment loin des préceptes de l'islam. Les tabliris sont des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment loin des préceptes de l'islam. Ils ont cette sincérité au cœur de vouloir, yani quoi, de vouloir prêcher aux gens et de leur dire venez faire la salat, etc., etc. Mais ils n'ont pas la science nécessaire pour faire cette grande chose et cette grande responsabilité. Ils n'ont pas assez de science. C'est pour ça que ils ont du shirk. Du shirk. Naam. et leur grand patron, vous lisez leur livre, Dahlawi, vous allez trouver, ils ont un livre qui s'appelle Nisab et Tablir, plein à l'intérieur de shirk et d'innovation. Donc les tablirions sont pleins d'innovation et loin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Loin, vraiment loin. Ils ne lisent que Riyad Salihin, un seul livre dans leur vie. Riyad Salihin, c'est tout. Ni Aqidah, ni Fiqh, ni Sira, ni Miras, ni rien. Seulement, yani, ce qu'on appelle Riyad Salihin. Et encore, je crois que de Riyad Salihin, ils choisissent seulement les hadiths qui parlent du bon comportement. C'est pour ça que tu les vois toujours. Yani, ils paraissent avec un bon comportement. Mais s'ils avaient vraiment un bon comportement, ils auraient suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils auraient suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute prédication qui n'est pas basée sur la science, elle est nulle. Car il faut d'abord apprendre, ensuite chercher la science. D'abord, Bukhari a dit, Babul ilmi qabl al-amal. Chapitre, la quête de la science avant l'acte. Naam. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas la science. Il faut demander la chose, l'apprendre, la comprendre, comprendre son dédit et ensuite prêcher. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Vous remarquez, وَالْعَصْرِ Allah Ta'ala a juré par Salat al-Asr, certains ont dit par le monde, que tout être humain est dans la perdition. Sauf quatre. Qui sont les quatre? Illadina amanu, les croyants. Wa amilu salihat, on fait de bonnes actions. Wa tawasaw bil haqq. Et ce sont, disons, conseillés, si je puis dire, al haqq. Ensuite, il a dit, ce sont conseillés de quoi? De la patience. Donc, le haqq, c'est quoi? Il faut d'abord connaître le haqq. Si tu ne connais pas le haqq, comment tu vas le prêcher? Il faut que j'apprenne le haqq. Le haqq, où il se trouve? Dans le Coran et la sunna. Si maintenant je ne connais rien de la sunna et je suis plein de shirk et de bid'ah, ma prédication ne va pas être bénie et je serai même un égaré, comme j'ai dit. Taïb, première fois à Omar. Omar, est-ce que Inch'Allah Ta'ala maintenant tu peux poser ta question ou là tu ne peux pas? Si Inch'Allah Ta'ala. Là, maintenant c'est à lui, pardon, c'est lui qui a posé cette question. Donc, on passe, Inch'Allah Ta'ala, à Adam 95-42. Salam alaikum, Cheikh. Certaines personnes, quand il leur arrive un malheur, disent Yassidi un tel et font des sadaqas en leur faveur. Ils disent que ces personnes sont des saints et qu'ils peuvent intercéder en leur faveur. Qu'en est-il de cette croyance? Comment faire le rappel à ces personnes? Qu'Allah vous récompense. Amin. Avant de répondre à cette personne, je dis wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vois que dans la liste il y a toujours. Attendez, je vérifie s'il y a Fredza, s'il est là, Fredza. Naam. Est-ce qu'il est là? Je vérifie. Naam, il est là. Maintenant, je viens de nous rappeler quelque chose. Muslim, alhamdoulilah. Dis-moi, est-ce que c'est Fredzer qui a posé la question sur la riba, sur l'argent ici et l'argent là-bas, etc. C'est lui ou là, c'est pas lui? Dis-moi. Ah, c'est lui. Naam. Donc, celui-là, je suis obligé de lui répondre maintenant, en ce sens que quoi? Il a posé une question très grave et il est possible qu'il quitte la salle et qu'on n'ait pas la réponse et que peut-être demain, il va faire cette chose ou là et ce sera moi. Qui risque de gagner, payer à sa place. Naam, je dis que quand quelqu'un donne de l'argent ici, en euros ou là, à quelqu'un qui est dans un autre pays, il faut que là-bas, il lui rende la même chose. Il n'a pas le droit de donner à quelqu'un ici 100 euros et il dit à l'autre là-bas, tu donnes par exemple à mes parents, tu leur donnes par exemple 10 000 dinars algériens. Ça, c'est interdit, c'est haram, c'est riba. Naam. Si tu veux, tu prends cet argent, tu l'envoies avec quelqu'un. Tu envoies 100 euros avec quelqu'un et tu lui dis donne cela à mes parents là-bas. Mais ce n'est pas moi, je te donne ici 100 euros et toi, quand tu arrives là-bas, tu leur donnes telle et telle somme. Ou là, tu dis à ton frère là-bas de donner telle somme en argent algérien. Naam. Et quand tu as travaillé dans le changer, dans le change de l'argent, naam, beaucoup de ulama, la plupart, ont dit c'est permis. J'ai entendu Cheikh Al-Albani qui a dit que ce n'était pas permis. Beaucoup de ulama ont dit c'est permis. Et j'ai entendu Cheikh Al-Albani dans une cassette dire que ce n'était pas permis. Wallahu subhanahu wa ta'ala, il a dit c'est de la loterie. Tayyib. Tfadhali ya muslim, lis-moi ta question. Salam alaykoum, cher. Certaines personnes, quand il leur arrive un malheur, disent il y a Sidi un tel et font des sadaqas en leur faveur. Ils disent que ces personnes sont des saints et qui peuvent intercéder en leur faveur. Qu'en est-il de cette croyance? Comment faire le rappel à ces personnes? Qu'Allah vous récompense. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ceux qui disent comme ça, quand il leur arrive un malheur, yani, ce sont vraiment des gens qui n'ont pas encore bien compris l'islam. Pour ne pas dire qu'ils ne l'ont pas compris du tout. Car Allah Ta'ala, quand il te donne un malheur, il voudrait que tu reviennes vers lui. Comme il a dit dans le Coran. Comme il a dit dans le Coran. Il a dit, فَلَوْلَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Il a dit, si lorsqu'ils ont eu le malheur, ils s'étaient quoi? Ils s'étaient, yani, تَضَرَّعُوا. Ils s'étaient revenus vers moi, ils étaient revenus vers moi et m'auraient demandé, yani, le pardon, etc. Mais il a dit, قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Il a dit, قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Yani, leur cœur sont scellés ou là quelque chose comme ça. Non. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. Ah, yani, si, lorsque je leur ai donné un malheur, ils étaient revenus vers moi. Mais ceux-là, bien sûr, ne sont pas revenus vers moi. Ici, c'est la même chose. Ceux-là, au lieu qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils fassent une sadaqa pour Allah ta'ala, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le shirk. La chose que Allah ta'ala ne pardonne pas à la personne si elle meurt. Toute personne qui meurt, si elle a fait du shirk, Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. Allah Ta'ala te pardonne tous les péchés, tous les grands péchés, tous, sans exception, sauf un seul. C'est quoi? L'associationnisme, le shirk. Et dire que telle personne est un saint, donc je vais faire une aumône pour elle, pour qu'elle intercède, ça rentre dans le shirk. C'est ça le shirk. La personne morte, ton cœur s'est attaché vers elle et lui a demandé de l'aide et le secours. Et tu as oublié Allah Ta'ala, le vivant qui ne meurt pas. Allah Ta'ala qui ne meurt pas, tu l'as délaissé, oublié. Et tu es allé faire une aumône à quelqu'un qui est mort et qui, j'ajoute, s'il était vivant, il n'aurait pas pu t'aider. Quelqu'un qui est vivant ne peut pas t'aider pour t'enlever un malheur qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toi, non seulement il est mort, non seulement cette personne est morte, mais je dis si elle était vivante, elle n'aurait pas pu t'aider. Alors, subhanallah l'adim, il n'y a pas un shirk comme celui-là. Il n'y a pas un grand péché comme celui-là. Oublie Allah ta'ala dans les malheurs. Allah ta'ala t'a donné un malheur pour que tu dises inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayrina. Non, tu as laissé Allah, tu l'as mis de côté et tu es allé vers quelqu'un qui est mort, qui ne peut rien, rien de rien, il est mort, il est dans la tombe. Un chien peut venir et peut uriner sur sa tombe. Non, il peut rien faire. Il peut pas dire au chien éloigne-toi, toi tu urines sur ma tombe, il peut pas, c'est trop tard, il est mort. Et tu lui demandes qu'il t'aide et qu'il fasse demain l'intercession. Pourquoi? Parce que c'est un saint. C'est un saint. Cette aqida, c'est la aqida des soufis. On leur a appris que Allah Ta'ala, tu ne peux pas l'adorer comme ça directement. Il te faut toujours un intermédiaire. Naam. C'est comme les Qurayshites, Abu Jahl et la clique, avaient comme intermédiaire les statues. Naam. Ils savaient qu'Allah Ta'ala existe et qu'il y a un paradis et un enfer. Mais ils disent, nous, on est souillés. Il nous faut un intermédiaire. Il nous faut la statue. Maintenant, les gens disent, il nous faut un intermédiaire, il nous faut Sidi Flan et Sidi Flan. Naam. Alors que Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahum al-bushra fil hayat dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala dit, les saints n'auront peur ni dans cette vie ni dans l'au-delà. Ensuite, pour ne pas laisser d'ambiguïté, il a montré c'est qui les saints. Il a dit alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tous ceux qui ont cru et qui étaient pieux avaient peur d'Allah. Tous ceux qui ont cru et avaient peur d'Allah, ce sont des saints. Toute personne qui croit en Allah et est pieuse, c'est un saint. Donc en islam, il n'y a pas, on dit de cette personne X, c'est un saint. On ne sait pas. Je ne sais pas s'il était vraiment pieux, je ne le connais pas. Mais s'il était vraiment pieux, alors c'est un saint. Donc Omar ibn Khattab, c'est un saint. Abu Bakr, c'est un saint. Uthman, c'est un saint. Abu Huraira, c'est un saint. Ali, c'est un saint. Et comme ça. Naam. Mais, quand cette personne meurt, jamais il nous est permis d'aller chez elle et de lui demander quelque chose, ou bien de faire une sadaqa pour elle, ou bien d'égorger un mouton pour elle. Car si on devait faire cette chose, on la ferait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, si maintenant il t'arrive un malheur et tu lui demandes de t'aider, tu dis ya Rasulallah, aide-moi, tu as fait le shirk que Allah Ta'ala ne pardonne pas. Et si tu vas égorger un mouton pour la meilleure créature qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'accepterait pas. Comment le faire rappel à ces personnes? C'est ça le rappel. Et moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Leur citer les versets et les hadiths qui parlent de cette chose. C'est ce que je suis en train de faire. Leur dire que il n'y a pas les saints en islam existent, mais ce ne sont pas X et Y avec des noms. Toute personne qui croit en Allah et qui est pieuse, c'est un saint. Dans la salle, dans cette salle ici, Inch'Allah Ta'ala, peut-être il y a 10 saints. Peut-être il y a 8, peut-être il y a 20. Je ne sais pas. Non, ce ne sont pas des gens connus. Toute personne qui est pieuse, Masha'Allah, est une sainte. C'est un saint chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis à cette personne qui fait de l'aumône pour demander l'intercession et qui fait, ou là qui égorge pour demander de l'intercession, je lui dis, ittaqillaha ta'ala. Crains Allah subhanahu wa ta'ala avant de mourir et que ça ne soit trop tard. Car Allah pardonne tout, sauf si tu fais ce que tu viens de faire, c'est ce qui s'appelle le shirk. Allah Ta'ala est jaloux et il n'aime pas le shirk. Il dit, comment se fait-il? Moi j'ai créé cette personne, moi je la nourris, moi je lui donne tous les biens, ensuite je lui ai donné un malheur pour qu'elle revienne vers moi et se fasse pardonner et m'implore, et elle m'a laissé. Et elle est allée donner de l'argent aux autres gens et leur faire de l'aumône et égorger je ne sais pas quoi. Alors, elle va dire, alors, Yom al-Qiyama va demander à ces gens et on verra s'ils peuvent. Alors, s'ils peuvent la faire, alors va Yom al-Qiyama et demande-leur. Dis-leur, dans la vie, j'ai fait de l'aumône pour vous. Faites aujourd'hui l'intercession. Personne ne pourra la faire. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ayat al-Kursi, vous lisez tous Ayat al-Kursi. Quand Allah Ta'ala dit Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui est celui-là qui peut faire l'intercession chez lui sans sa permission? Sans sa permission, na'am. Qui est celui-là qui est? Personne ne peut la faire sans son consentement, Allah Azza wa Jalla. المهم الله يهديهم هذا الناس الله يهديهم والله يعلمهم والله يشفيهم هذا المرض والله يثبتهم ويكفيهم شر الشيطان الرجيم. نعم ميغيا غوغ تفضل. آمين يا رب العالمين. Miriaror ou là Ousmane. On s'appelle Mirioror. Peut-être qu'il n'est pas là. Peut-être qu'il n'est pas là. Fatima Zahra. Taïb, alas. Tfadl Muslim. Est-ce que la question est terminée? Tapez 1, Inch'Allah, si la question est terminée. Il reste beaucoup? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous tous. Un frère a été muté à Marseille et sa femme est restée à Paris. Dès le divorce, quelques jours après, pour différentes raisons, il le lui a donné. Le mois d'après, ils se sont revus. Et la sœur a souhaité se remettre avec son mari. Ah, afouen, cher. Non, afouen, cher, j'avais oublié. La question, donc il n'y aura pas de réponse. Afouane, mais ce n'est pas sur le sujet de ce soir. Les questions libres, c'est le vendredi soir. Barakallahu fik, votre compréhension. Donc, Fatima, Inch'Allah. Tfadli. Mufik Barak. Fatima, tapez un. Muslim, tu m'écris ta fadl. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien, j'ai pas reçu de questions. Le frère a posé une question sur le divorce qui est très loin de la aqida. Naam. On répondra inshallah ta'ala à sa réponse inshallah ta'ala vendredi ou demain jeudi. Demain, si les repères terminent tôt inshallah ta'ala, on fera seulement question réponse. On fera seulement question réponse. Donc Fatima, où est ta question inshallah ta'ala Fatima? Tu n'as posé aucune question bi'idna azza wa jalla. On t'attend, mais on passe à la deuxième. Khair inshallah, tfadl. Si je ne la vois pas. Tayyib, lis la question de Khair inshallah, le temps que Fatima te redonne la question. Non, Fatima, peut-être elle est trop grande. Donc faites un copier-coller et vous me l'envoyez en PV. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum, cher. On a parlé de la femme qui met le djilbab. C'est une question hors sujet. Barakallahu fikoum, on l'a rappelé plusieurs fois. Les questions libres, c'est le vendredi soir. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Au prochain, Inch'Allah. Ou alors, Fatima, si vous pouvez m'envoyer la question en PV. En rapport avec le sujet de ce soir ou la aqida. Barakallahu fikoum. Et, Wasmak Muslim, ton PV à la sœur. Tu ouvres ton PV à Fatima. Walaikum salam. Tu ouvres ton PV à Fatima pour qu'elle puisse t'envoyer l'akhar. Et les autres, Inch'Allah ta'ala, ceux qui ont parlé de choses qui n'ont rien à voir avec la aqida ni avec le cours, c'est demain, Inch'Allah ta'ala, ou vendredi. Demain soir, ou bien vendredi, bi'idnillah azza wa jal. Salam alaikum. On ne perd pas de temps, Inch'Allah ta'ala. Tayyib, Fatima n'a rien donné. Hilal. Hilal, on attend aussi ta question, Inch'Allah. Salam alaikum. Afouane, est-ce que vous savez pour tester son endurance? Salam alaikum. Est-ce que le serviteur d'Allah pour tester son endurance la plus méritoire doit être systématiquement être confronté à la méchanceté des hommes et par conséquent s'y préparer ou est-ce que la patience avec les humains peut être autre chose à la place. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que le serviteur d'Allah pour tester son endurance la plus méritoire doit être systématiquement être confronté à la méchanceté des hommes, par conséquent s'y préparer, ou est-ce que la patience avec les humains peut être autre chose à la place? Je dis bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam al-ashraf al-mursalim. Pourquoi aujourd'hui je veux que les questions soient seulement dans la aqida ou dans le dars? À cause de quoi? De la suprématie de la aqida sur toutes les autres matières. C'est avec la aqida que tu rentres au paradis. Tu rentres pas avec le fiqh. Non, tu rentres et tu rentres pas avec l'aumône. Car quiconque fait le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui pardonner s'il meurt avec le shirk. La preuve, quand on sera dans la tombe, on ne te dira ni est-ce que tu as fait la salat, ni est-ce que tu as fait la zakat. On te dira, Allah ta'ala, est-ce que tu l'as, comment on dit ça, abdtahu, est-ce que tu le connais? Et si tu le connais, ça veut dire, est-ce que tu l'as adoré, bien sûr. Et qui c'est ton Dieu? C'est Allah ou là, c'est l'euro ou là, c'était les femmes ou là, la drogue? Et comme ça. Donc c'est la aqida qui est la chose la plus importante. Et le divorce et le zawaj et tout ça, on a, inshallah ta'ala, beaucoup de temps pour répondre à vos questions, inshallah ta'ala, qui, je sais, ne se terminent pas. Tayyib, je disais que ce que Hillel doit savoir, bi'idhna ta'ala, que il n'y a pas une personne qui n'a pas une autre personne méchante envers elle. Du style être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les messagers d'Allah, qui sont les meilleures créatures, Allah ta'ala leur a donné des ennemis. Il a dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوٌ مِنْ مُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوٌ مِنْ مُجْرِمِينَ. Et ainsi, on a fait à chaque messager un criminel ou un ennemi des criminels, adoun min mujrimin. Ça, c'est les messagers, les meilleures créatures qu'Allah Ta'ala aime et leur donne des ennemis. Ensuite, quant aux gens, nous tous, nous et vous, Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa kadhalika ja'alna ba'dhakum li ba'dhin fitna atasbirun. Il a dit, et c'est ainsi qu'on a fait des uns, yani les uns des autres, yani de vous, des fitna. Tu trouves la personne qui a son voisin qui est une fitna pour elle, l'autre son mari, l'autre sa femme c'est une fitna, l'autre c'est ses enfants, l'autre le directeur de la société c'est une fitna pour lui, l'autre son tel ami, et comme ça. Il a dit, atasbirun, est-ce que vous allez endurer? Naam, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, il a dit, le croyant qui fréquente et endure est mieux que le croyant qui ne fréquente pas et n'endure pas. Il a dit, le croyant qui est fort est mieux que le croyant qui est faible. Et dans les deux, il y a du bien. Quand quelqu'un endure, il a, mashallah, beaucoup de récompenses. Mais il n'est pas obligé de fréquenter les gens qui lui font mal s'il sait qu'il ne peut pas endurer. S'il va régresser dans sa foi, ou là, à cause des gens, il va insulter Din, ou là, il va dire, il vaut mieux qu'il ne fréquente pas, il est faible, c'est un croyant faible. Mais le croyant fort, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'adhim, il était avec les plus grands taroutes, et il a enduré, et ils l'ont frappé, ils l'ont ceci, il a enduré, et il a triomphé, bi'idhna azza wa jalla. Donc, si une personne dans cette vie croit que elle va rentrer au paradis, sans fitna, sans avoir d'ennemis, sans être testé, sans avoir des preuves, sans avoir une personne qui veut te faire de la sorcellerie, sans qu'il y ait une personne qui te frappe d'un mauvais œil, sans qu'il y ait une personne qui te vole, sans une personne qui dise sur toi des mensonges et des calomnies, tu crois que c'est un tapis, tu vas marcher sur un tapis orné de fleurs et tu vas rentrer au paradis. Là, détrompe-toi et sache que toute personne, plus elle a la foi, plus les épreuves viennent, et ce sont des épreuves toujours, inshallah ta'ala, faciles à supporter, car Allah ta'ala ne te donne pas une fitna qui te dépasse. Ensuite, tu lâches tout. Car tu peux, yawm al-qiyamah, tu peux dire à Allah, vous m'avez donné quelque chose de plus fort, j'ai pas pu supporter. Abadan, abadan, abadan. Allah ta'ala ne te donne que d'après ta foi. Tu as une petite foi, un petit test. Ça commence à grandir, un test un peu plus grand. Et c'est comme ça. C'est pour ça que les prophètes, ce sont eux qui ont les plus grands tests. Ensuite, les bienfaisants. Ensuite, les vertueux. On descend. Et le meilleur de nous, c'est celui que, quand il a les fitnas, il revient vers Allah pour lui demander de l'aider. Certains se croient forts en eux-mêmes. Dès qu'il a une fitna, il croit que de lui-même, il peut la contrer. Et il oublie Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala le délaisse. Je ne dis pas Allah l'oublie, Allah n'oublie pas. Allah Ta'ala le délaisse. Il lui dit, je vais te laisser avec ta force et ton argent et tes connaissances et je vais voir si tu peux sortir de ce problème. Quant à l'autre, il s'est montré pauvre devant Allah. Dès qu'il a une fitna, il rentre dans la salat comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faisait quand il avait un problème? Il allait téléphoner au ministre ou à qui pour l'aider. Il rentrait directement dans la salat. Kana idha hazabahu amr dakhala fi salat. Vous voyez le vrai croyant, quand il a un problème, il rentre directement dans la salat. Et de nos jours, quand les gens ont des problèmes, ils délaissent la salat. A'udhu billah. Ça s'est renversé. Autrefois, quand ils avaient un problème, ils rentraient dans la salat. Maintenant, les gens, quand ils ont des problèmes, ils délaissent la salat. Pourquoi tu fais plus la salat? Ah, j'ai des problèmes, j'ai des fitnas, j'ai ceci, j'ai cela. Subhanallah. Et les problèmes, les fitnas, qui te l'enlève? Si tu n'as pas, tu ne fortifies pas, tu ne fortifies pas ta relation avec Allah. Qui va te les enlever les problèmes? Subhanallah l'azim. Ibrahim alayhi salam, quand on lui a pris sa femme, Sarah, le tyran qui lui a pris sa femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est directement rentré dans la salat. Dans la salat. Naam. Et quand elle est revenue, subhanallah l'azim, elle l'a trouvé toujours dans sa salat. Et elle est revenue avec qui? Avec Hajar, naam, comme cadeau. Tayyib, tfadla inshallah ta'ala le prochain. Salama 1. Donc je vais le répéter encore une fois. Barakallahu fikoum de réserver ces questions pour le vendredi, inshallah. Au prochain, inshallah. Abou Assia. Donc les questions à poser ce soir, c'est sur le cours de ce soir ou sur la. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salama, naam. Puisque inshallah tu es invité samedi, il reste jeudi et vendredi. Inshallah ta'ala, pose-moi la question demain après les repères de la sunna. Ou bien vendredi, inshallah ta'ala. Tayyib, tfadl Abu Asya. Soyez compréhensif, jazakumullah khair. Chaque personne, soyez compréhensif, barakallahu. Chaque personne qui a levé la main et que ce n'est pas dans le dars, ou bien dans la aqida en général, qu'elle soit, inshallah ta'ala, compréhensive et qu'elle laisse, inshallah ta'ala, pour demain. Demain ou après-demain, bi'idhnillahi azza wa jalla. Et pardonnez-moi, car si je ne fais pas comme ça, yani, on ne peut pas s'organiser. Jazakallahu khair, Abou Asya. Regardez Abou Asya, combien qu'il a attendu, miskin. Et maintenant, il a dit, passez. Parce que ma question n'est pas dans la aqida. Jazakallahu khairan ya akhi Abasiya. Wallahi hafzak. Fouzi 93, tafadhal. Salam alaykoum. Il y a un cheikh que veut dire cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimallah, quand il dit dans le Coran, il n'y a pas de majaz. Le majaz, wa alaykoum salam wa barakatuh. C'est ce qu'on peut appeler en français le sens figuré. Le sens figuré. Le majaz. Quand tu dis, toi, par exemple, j'ai vu par exemple un lion. J'ai vu un lion, naam, dans la mosquée. Normalement, tu as vu un lion, c'est l'animal connu, le lion, qui est quoi? Qu'on connaît, le prédateur, qu'on trouve au cirque. C'est ça, quoi? Al-haqiqa. C'est ça al-haqiqa, qui est le contraire du majaz. Mais le majaz, c'est dire par exemple, on te dit, tu dis j'ai vu un lion dans la mosquée. On te dit où est-il? Il n'y a aucun lion ici. Tu dis non, un lion, je veux dire quelqu'un de courageux comme un lion. Je parlais de ça, un courageux. Je voulais pas dire un lion. Je voulais dire quelqu'un de courageux. Je l'ai appelé un lion. Ça, si dans le Coran, peut-être une métaphore, si dans le Coran, tu vas dire qu'il y a le majaz, tu es sorti, flas, tu es sorti et tu es sorti de Muhaqiqin, de Al-Sunna al-Jama'a. Et tu es rentré, tu vas ouvrir une grande porte aux innovateurs. Ils vont dire que Allah Ta'ala, quand il a dit qu'il descendait, c'est Majaz, ce n'est pas lui qui descend, mais c'est sa rahma qui descend. Quand Allah Ta'ala a dit qu'il va mettre sa jambe sur Jahannam, son pied, ce n'est pas son pied. Naam. il va mettre par exemple son adab ou quelque chose comme ça. Et ainsi de suite. Allah Ta'ala dit qu'il a la main. Non, ce n'est pas la main. C'est un majaz. Il voulait dire qu'il a la puissance. Il a la puissance. Et comme ça. Al-Sunnah al-Jama'a disent non, il n'y a pas de majaz. Il n'y a pas de majaz dans le Coran. Dans l'arabe, na'am. Dans l'arabe, il y a le Coran. Mais dans. Pardon, il y a le majaz. Chez beaucoup de ulama. Mais dans le Coran, il n'y a jamais de majaz. Surtout dans les versets qui ont rapport avec les attributs d'Allah Ta'ala et ses noms. Surtout. Naam. Ce qui a rapport avec quoi? Avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. On passe inshallah ta'ala à qui? À Hafousa tafadhali. Et ça viendra inshallah le majaz dans un dar spécialement pour lui. Naam. Salam alaykoum, cher. A-t-on le droit d'avoir peur de quelqu'un qui fait de la sorcellerie, comme par exemple manger sa nourriture? Barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, c'est un devoir. C'est un devoir de ne pas yani, s'approcher du mal quand on sent qu'il y a un mal quelque part. Ensuite, la sorcellerie, ce n'est pas une chose facile. Si quelqu'un est atteint par la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est des, bien sûr, c'est des degrés. Il y a des de la sorcellerie qui est un peu simple. Et il y a la sorcellerie qui est vraiment dosée. Ça peut rester des années. Salamu alaykoum wa rahmatullah. Fais saut. Alhamdoulilah. Je parlais de la sorcellerie. Je disais que, yani, quand on sait qu'une personne, par exemple, on a des preuves que cette personne fait de la sorcellerie, yani, on doit, bi'idla ta'ala, yani, faire notre possible pour ne pas manger de son manger. Quand on risque d'être atteint, ensuite, c'est tous les grands problèmes qui commencent. Naam. Si on a des preuves qu'une personne fait de la sorcellerie, il vaut mieux éviter de manger chez elle, de peur qu'elle nous ensorcelle. Ensuite, c'est des problèmes qui ne se terminent pas. Naam. Taïb, Umnaïla, tafadhali. Muslim, qui a perdu sa place? Tu m'as dit, il y a quelqu'un qui a perdu sa place. C'est qui? Naam, cher, c'est Soulaim. Salam alaikum, cher. Cheikh, elle demande si elle peut poser la question, mais elle dit que c'est par rapport aux autres, ça se fait pas. Est-ce qu'elle la pose ou elle attend, inchallah. Elle dit que c'est une question urgente. Cheikh, est-ce que vous êtes là, inchallah? Fils sort musulman. Naam. Je réponds à Hafousa. Je dis que si on n'est pas sûr que cette personne fait de la sorcellerie, on n'a pas le droit donc, on n'a pas le droit de quoi? De dire des choses sur elle. On mange normalement jusqu'à ce qu'on ait la preuve. On n'a pas le droit de dire qu'une personne fait de la sorcellerie et on n'est pas sûr. Naam. On mange chez elle jusqu'à preuve du contraire. Naam. Le musulman, jusqu'à. On n'a pas des preuves. Qu'il fait cette ou cette chose, on ne doit pas l'accuser jusqu'à ce qu'on ait des preuves. Bi'idnillah Azza wa Jal. Umnayla, la question est sur le Hajj et nous en train de parler, on est en train de parler de Aqida. Et si je te réponds, les autres vont dire pourquoi moi il ne m'a pas répondu. Donc, Inch'Allah Ta'ala, si tu veux, vous attendez après le Dars qui se termine dans 5 minutes. Naam. Frère 13, tafadhal. Naam, dans 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala, je termine le Dars. Et je réponds aux deux ou trois autres qui voulaient avoir leur réponse aujourd'hui. Tfadhal. Salamu alaykoum. Ma question c'est sur la aqida. Car une sœur demande, elle croit à Allah, alhamdulillah, et fait la salat, mais elle n'arrête pas de se poser des questions sur son existence. Quel conseil lui donneriez-vous? Il y a deux questions là. Et si une personne renie certains attributs d'Allah, comme les Habbash, qu'ils disent qu'Allah n'a pas de main, ou il n'est pas au-dessus des cieux, il est partout, etc. Est-ce qu'elle ne devient pas mécréante? Je demande à la sœur Wissem de choisir entre la première question et la deuxième. Si elle veut que je réponde à la première, elle écrit 1. Si elle veut à la deuxième, elle écrit 2. Alhamdoulilah, une personne, Naam, qui fait de la salat, mais n'arrête pas de se poser des questions sur son existence, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Naam, elle doit beaucoup faire de doigts. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le shaitan vient à la personne et lui dit qui a créé cette chose, qui a créé cette chose, jusqu'à ce qu'elle lui dise qui a créé Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, si le shaitan vous dit comme ça, vous vous retournez vers la gauche, vous crachez trois fois. Vous dites, Amantu billahi wa rasulihi. Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Amantu billahi wa rasulihi ou bien rasulihi. Allahu samad, Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. En général, si elle ne connaît pas par exemple ce doigt, Naam. Muslim, ce n'est pas de problème pour repasser la notion de Allah Ta'ala. Repasse-la. Déjà, cette personne doit se dire, si je ne croyais pas en Allah, comment se fait-il que je fais la prière? Est-ce qu'il y a une personne qui ne croit pas en Allah et fait la prière? Le fait qu'elle fasse la prière, voilà le grand délit qu'elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Car une personne qui ne croit pas en Allah, jamais elle ne fait la prière. Non, jamais Abu Jahl ou là, qui que ce soit, n'a fait la prière. Vous comprenez? Donc, non. Elle doit se dire que c'est le shaitan qui veut quoi? Il veut bien Ta'ala lui faire des ouss-ouss et des mashakil jusqu'à ce qu'elle délaisse la salat et elle dise Allah Ta'ala n'existe pas. Mais moi je lui ai dit, endure Bédna Azzawajal, fais beaucoup de fais beaucoup de doigts et chaque fois que le shaitan vient, hein, tu fais les doigts, tu les aides, tu conseilles, tu dis ceci, cela. Hein? Oui, le micro. Je dis que cette personne doit faire, inshallah ta'ala, beaucoup de doigts et beaucoup lever les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, surtout la nuit, faire deux rak'at, lever les mains et qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de d'éloigner d'elle le shaitan qui lui fait des ouss-ouss jusqu'à ce que, quoi? Jusqu'à ce que, yani elle délaisse la salat. Mais Allah Ta'ala est avec elle, il la fera triompher. Et nous tous, on a le ouss-ouss. Nous tous, il nous vient des fois à la tête le fait que, où est la preuve d'Allah, où est ceci, et s'il n'y avait pas le paradis, et si on mourait, on devenait poussière, et si ceci, le shaitan, non? C'est pour ça que les ulama ont dit que lorsque les juifs ont dit, nous, alhamdoulilah, on n'a pas le ouss-ouss. On a dit à Abdullah ibn Abbas, on lui a dit, les juifs disent, on n'a pas de ouss-ouss. Il leur a dit, que va faire le shaitan dans un cœur vide? Naam. Les juifs ont un cœur vide. Le shaitan ne va pas leur faire les ouss-ouss. Mais, quand on a la foi, que le shaitan fait le ouss-ouss. Donc, c'est la preuve que cette personne a la foi et qu'elle veut, mashallah, avancer. Et que le shaitan veut l'entraver, c'est tout. Mais elle cède de Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle demande à Allah ta'ala de l'éloigner. Et inshallah ta'ala, elle va triompher. Et, bi'idna azza wa jal, yani, être secourue par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour l'instant, il est 1 h du matin passé. Inshallah ta'ala, demain, après les repères de la sunna, puisque c'est jeudi, demain, inshallah ta'ala, après les repères de la sunna, je réponds, inshallah ta'ala, à vos questions. Sur, y a-t-il un ikhtilaf des ulama de la sunna sur le iman? La sunna ou le jama'a n'ont pas d'ikhtilaf. Que l'iman, c'est quelque chose dans le corps, une parole, et ce sont des actes. La sunna ou le jama'a n'ont pas d'ikhtilaf. C'est les murji'a fuqaha qui ont dit que yani, c'était seulement dans le cœur et dans la parole. Mais ça, c'est très vaste, inshallah ta'ala, à dire. Muslim, alhamdoulilah, c'est toi qui poses, inshallah ta'ala, l'annonce. C'est toi qui la poses, pas moi. Parce qu'après, s'il se passe quelque chose, on dit Cheikh a posé cette annonce, etc. Alors que c'est pas comme ça, etc. C'est toi, Inch'Allah Ta'ala, qui pose l'annonce. Naam. Je demande aux autres auxquels j'ai dit, les deux ou trois auxquels j'ai dit, que je devais leur répondre sur leur question. Où sont-ils? Ceux à qui j'ai dit, après le dars, je vous réponds. Où sont-ils? Muslim, pose Inch'Allah Ta'ala de l'akhor. Pose ce que tu as. L'annonce. Tafadhal. Donc Allah au fiq, cher. Hayak Allah. Donc est-ce qu'il y a du son, Inch'Allah? Est-ce que vous m'entendez? Barakallahu fik, cher. Donc les frères de Paris recherchaient un frère du Minhaj pouvant faire khutbah Jumu'ah dans la mosquée des Verrières-le-Buisson dans le 91, proche de Massy dans le 91, Antony dans le 92 ou Châtenay-Malabry dans le 92, pouvant Inch'Allah effectuer une khutbah en arabe français et ayant un minimum d'études islamiques. Donc si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes apte à faire khutbah Jumu'ah, Inch'Allah, contactez Badr Din ou venez me voir Inch'Allah en PV. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, Inch'Allah Ta'ala, demain, Inch'Allah Ta'ala, après les repères, Inch'Allah Ta'ala, après les repères, attendez-moi pour questions-réponses libres, Inch'Allah Ta'ala. Demain, après les repères, questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala, libres. Naam. Je vous laisse, Bidna Azzawajal, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته